Les 13e sommets du cinéma d'animation vous sont présentés en direct du cinéma Le Clap, en collaboration avec Antitube et CKRL. De la vie en BD spécial cinéma d'animation, spécial sommet du cinéma d'animation de Québec. Raymond Poirier au micro en direct du cinéma Le Clap, exceptionnellement un jeudi, exceptionnellement de 17h à 19h. Et ce sera un vif plaisir d'être avec vous au fil de ces deux heures-là et de vous savoir à l'écoute pour vraiment plonger dans l'univers du cinéma d'animation et découvrir aussi la richesse de la programmation d'édition 2014, 13e édition des sommets. Plus de 100 films à l'affiche, des activités spécial également autour du cinéma. Alors, il y a là évidemment un bel objet d'exploration. On le sait bien, on le devine. C'est du 27 au 30 novembre. Évidemment, si vous êtes dans le coin de Sainte-Foy, vous pouvez venir faire un tour au Clap d'ailleurs pour nous voir, pour nous écouter et évidemment nous suivre aussi sur les ondes du 89.1. Je disais, beau terrain d'exploration. Ce sera le cas pour l'émission, évidemment. On va rencontrer des réalisateurs qui seront de passage à l'occasion justement des sommets du cinéma d'animation du côté de Québec. Donc, Robert Morgan, Theodore Hachev, également Shane Heyman et Seth Scriver. Donc, autour de films de différents styles, différents regards sur le cinéma d'animation, donc des éléments plus satiriques, plus humoristiques, plus expérimentaux. On va lorgner du côté de l'horreur, de l'atmosphère. On va parler également du milieu de l'animation à l'international avec un journaliste spécialisé en cinéma d'animation, Nicolas Tiss. On va parler du côté japonais, donc de l'animation japonaise avec Ilian Nguyen. Et on va porter un regard, évidemment, sur la programmation au sens large de l'événement avec le programmateur, directeur artistique des sommets, Marco Deblois. Et aussi, bien, pour commencer, on s'est dit, portons un regard sur ce que représente cet événement-là pour la ville de Québec en compagnie de la directrice générale d'Antitube, qui est l'un des organismes qui organise justement les sommets du cinéma d'animation. Annie Frenette, bonjour. Bonjour, Raymond. Et justement, est-ce qu'on a l'impression que Québec est une ville toute désignée pour ce type de festival, pour ce type d'événement? Écoutez, en 2002, je le croyais, en 2014, je le crois encore plus, car depuis 2002, on a vu naître quelques studios de cinéma d'animation dans le centre-ville de Québec, dans le Nouveau-Saint-Roch. Il y a également le bac en arts et sciences d'animation qui est arrivé. Il y a le Collège Barthes qui forme également les techniciens. Donc, l'événement qui a commencé en 2002 avec 20 courts-métrages en présente maintenant 154 cette année et dure 4 jours Québec, 5 jours Montréal. Donc, c'est une preuve que oui, Québec peut très, très, très bien accueillir ce genre d'événement. Enfin, on a eu du flair à la limite en 2002 et c'est venu peut-être apporter aussi un certain dynamisme au milieu. C'est venu appuyer ce développement-là que Québec a connu au fil des 13 dernières années. Bien, écoutez, c'est sûr que les sommets de cinéma d'animation présentent des courts-métrages de cinéma d'auteur, donc mélangés avec tout ce qui est industrie, donc les grosses productions pour jeux vidéo ou encore les longs-métrages, vient vraiment s'amalgamer, en fait, et donne une force à la ville de Québec. Et à travers ça, évidemment, il y a toujours aussi une part à la relève, justement, par le film d'auteur, de films de tout genre, de réalisateurs reconnus. Mais il y a aussi un choix de décision de laisser une belle place à une programmation étudiante aussi. Oui, mais ça, depuis 2008, ou peut-être que même plus tard, Marco Deblois me corrigera. On présente deux programmes de compétition internationale, mais étudiante. Car pour nous, en fait, c'est vraiment ce qui s'en vient. C'est les nouvelles techniques, les nouvelles, hybridations de techniques, de médiums qui vont grandir, qui vont peut-être être les gens qui vont gagner un Oscar dans 3 ans, dans 10 ans, sait-on jamais. Donc, oui, la grande place se doit d'être là. Et il n'y a rien de plus beau aussi quand on est étudiant de voir son travail sur grand écran devant un public. Je pense que c'est un coup de chapeau qu'on leur fait aussi. Et à travers ça, évidemment, il y a aussi la volonté, j'imagine, de donner accès au public à ce cinéma-là. Parce que veut pas, des courts-métrages, parce que c'est une bonne partie de la programmation des sommets, c'est des courts-métrages, c'est pas le genre de film qu'on a souvent l'occasion, et malheureusement, de voir en salle. Absolument. Je veux dire, les gens de la ville de Québec et de Montréal ont une chance inouïe de pouvoir voir vraiment un panorama de ce qui se fait au niveau mondial en animation et sans oublier le Canada qui est très bien représenté cette année encore. Donc, c'est des films, souvent on va se faire dire « Oui, mais je l'ai vu sur Internet. » Mais ce type de film-là est plus difficile à trouver sur Internet. Par contre, oui, j'en ai trouvé, c'est bien sûr. Mais il n'y a rien comme l'événement de voir un film en salle, en collectivité. Ben, enfin, on s'entend, Annie Frenette, je veux dire, regarder un film sur un écran, indépendamment de la grosseur de l'écran, et le voir en salle avec l'atmosphère sonore, en groupe aussi, en communauté, ces deux expériences sont radicalement différentes. Oui. Mais de toute façon, juste pour me rappeler une table ronde que j'ai assistée au Festival d'Annecy en juin dernier, qui était, le sujet était « Pourquoi des festivals d'animation à l'heure d'Internet? » Et le résumé de la rencontre, en fait, le point fort qui est ressorti, c'est les rencontres. Donc, un festival est un lieu de rencontre et pour le public, et pour les réalisateurs, et pour les programmateurs. Donc, c'est vraiment 4 jours merveilleux pour découvrir et rencontrer. Oui, puis dans ce sens-là aussi, les réalisateurs sont accessibles. Et on parlait en introduction, je mentionnais Theodore Hachev ou encore Robert Morgan, mais ils vont être là, ils vont présenter leurs films. Il y a des spécialistes aussi de différents types de genres qui vont être sur place pour répondre aux questions, pour accompagner peut-être un peu le public face justement à certaines facettes de cet art-là. Oui, absolument, absolument. Et ben, écoutez, je vous invite, c'est deux maîtres de l'animation qu'on reçoit cette année, donc Theodore Hachev et Robert Morgan vont également donner pour Theodore une classe de maître de demain au Musée de la Civilisation. Et pour Robert Morgan, c'est une rencontre de cinéaste samedi à 21h. Donc, c'est vraiment ce qui va suivre sa rétrospective au CLAP. Et on parlait de croissance tout à l'heure entre 2012 et 2014. Et il y a une nouvelle étape qui va s'amorcer pour l'année prochaine avec une association avec Pixel Québec qui a été annoncée tout récemment. Oui, et ça, c'est pour nous, c'est formidable, premièrement, parce que c'est un an de discussion et de voir de quelle façon on pouvait être ensemble pour qu'il y ait un côté professionnel, donc le côté de Pixel, qui se joigne au côté public et grand public. Donc, on a décidé de changer les dates des sommets. Donc, ça va se retrouver à la fin octobre en 2015. Et ça va vraiment être collé avec les dates du Cartoon Connection Canada à Québec, qui est organisé par Pixel. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est un modèle qu'on voit dans d'autres villes. Donc, le marché qui est présenté à peu près dans les mêmes dates que le festival. Oui, puis ça devient des associations qui sont presque nécessaires pour permettre justement aux événements de croître, de dépasser un peu le niveau qu'ils ont atteint. Et comme on dit aussi, ben en fait, c'est un stéréotype, mais des fois, ça devient des stéréotypes parce que c'est vrai, mais l'union fait la force. Mais c'est tout à fait ça. Tu sais, en s'associant, la Cinémathèque Antitube et Pixel Québec, on vient d'associer un événement professionnel, une expertise d'organisation de diffusion à Québec par Antitube et une programmation très forte artistiquement par Marco Deblois de la Cinémathèque québécoise. Donc, cet assemblement-là des trois forces va nous faire grandir et développer encore plus. Est-ce qu'on a l'impression qu'actuellement ou sinon avec cette association-là, ben, que la place que prend aussi Québec et Montréal avec les sommets sur l'échelle internationale va s'accentuer, va se développer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà une place intéressante à l'échelle du festival actuellement. Là. Oui, oui, absolument. En Amérique du Nord, il y a le Festival d'animation d'Ottawa qui existe et il y a nous, les sommets. Donc, et la particularité des sommets, c'est un événement qui se déroule sur deux villes, donc Québec et Montréal. Nous sommes un festival bimunicipal. Le seul autre que moi je connais est au Brésil, en fait, c'est Anima Mundi. Donc, c'est un modèle, en fait, qu'on trouve fort intéressant de construire ensemble une programmation. Oui, mais surtout qu'en bout de temps, ça revient à 3 heures de route et ça rend la programmation accessible à un public encore plus large, sans qu'à faire venir ces réalisateurs-là, ces personnes-là, ces films-là. Eh bien, ça permet de rejoindre plus de monde parce que j'imagine que c'est l'objectif, c'est d'aller rejoindre les gens. C'est pour ça qu'on fait les sommets. Ah oui, oh, oui, absolument. C'est tout à fait ça, en fait, rejoindre les gens et les faire tomber en amour avec le cinéma d'animation. Et Annie Frenette, des moments forts, des temps forts pour vous dans la programmation 2014 des sommets? En fait, à brûle pour point comme ça, évidemment, toute la programmation l'est, mais écoutez, si on attire l'attention. Si mon cœur parle comme ça, c'est certain que je suis très, très heureuse qu'on ait Theodore Hachev cette année à Québec comme invité de marque qui va pouvoir rencontrer les gens. Theodore, ça fait 2 semaines aussi qu'il est le cinéaste en résidence dans l'exposition Image par Image. Donc, vous pouvez venir voir son travail demain à 17h. Il va vous expliquer son procédé. Et donc, il y a une rétrospective de ses films qui suit ensuite à 19h, toujours au Musée de la Civilisation. Et mon autre coup de cœur, c'est qu'on fait revivre le Antitube Bobine Ban qui avait vécu l'année passée à Québec et à Montréal lors des sommets. Donc, ça sera au Musée de la civilisation demain soir. C'est la soirée festive qu'on appelle. Donc, c'est trois musiciens, Frédéric Lebrasseur, Pierre Langevin et Martien Bélanger, qui vont improviser sur une performance de Jean Blouin à la pellicule, ainsi que des courts-métrages de Raoul Barré, qui est un pionnier du cinéma d'animation. Alors, parmi les éléments, évidemment, à découvrir, j'en profite pour mentionner d'ailleurs que la programmation complète est au www.sommetanimation.com. Et si jamais vous voulez savoir de quoi précisément on parle ou il y a quelque chose qu'on dit au fil de l'émission qui vous accroche, ben allez faire un tour sur Internet. Tout est là. Annie Frenette, donc directrice générale d'Antitube et des Sommets, ben on vous souhaite un bon festival. Ben merci à toi, Raymond. Et nous, on s'en va, on va écouter au fil de l'émission quelques petits extraits, justement, de films. Bon, évidemment, il nous manque la partie visuelle, mais bon, on complétera, justement, la partie visuelle en venant voir les films. Et on écoute un premier extrait, donc, du film Jutra de Marie-Josée Saint-Pierre. C'est un film qui est dans la programmation Panorama Québec-Canada. J'avais commencé à faire du cinéma amateur avant de rentrer à l'université. J'étais au collège encore. Et puis, après la première, qui est l'année la plus dure en médecine, j'ai commencé à faire vraiment des films. À cette époque-là, vouloir faire du cinéma, c'était plus ridicule que de vouloir être astronaute. Place au vrai cinéma. Caméra! 521 plus 6. Bonjour. Quel est votre nom? Je suis Claude Jutra, cinéaste, j'espère. 521 plus 6. Et quel est le premier film que vous avez fait, le premier film qui a été vôtre? T'as des nouvelles de Claude? Non. Toi t'en as? Non. Mes yeux blancs m'ont pris au bord de la nuit. Tes yeux blancs m'ont conduit ailleurs où je suis. J'ai suivi la nuit, tes yeux jusqu'ici. Alors voilà un petit extrait du film Jutra. Donc je le rappelle qu'on retrouve dans la programmation Québec-Canada des sommets du cinéma d'animation de Québec. Et pour parler justement de cette programmation, pour porter un regard... détaillé, dans la mesure du temps qui nous est imparti, évidemment, sur les sommets. Eh bien, on a le plaisir d'être en compagnie du conservateur programmateur au cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise, qui est le directeur artistique des sommets du cinéma d'animation, Marco Deblois. Bonsoir. Bonsoir. D'emblée, en fait, j'en jasais avec Annie Frenette tout à l'heure. On fait une programmation qui s'élargit, qui prend de l'importance. Vous le signez d'ailleurs dans le programme de l'événement. On est passé de 20 films en 2002 à 108 en 2014. Et pour l'édition 2014, vous en avez reçu quoi? À peu près 702 en sélection comme pour le concours officiel. Là. Oui, en fait, en comptant toutes les rétrospectives et programmes spéciaux, la programmation actuelle des sommets totalise quelque chose comme 150, 154, 158 films. Il y a des montants qui varient. Et c'est exact que nous avons reçu 702 inscriptions au sommet, donc 702 films d'un peu partout dans le monde qu'il a fallu visionner et évaluer. Et ça représente une augmentation du double par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, nous avions reçu un peu moins de 350 soumissions. C'est un bon quantitatif très, très, très important. Ça nous a pris un peu par surprise, mais quand on s'engage donc à faire un appel d'inscription, il faut respecter l'appel et visionner les films, ce qu'on a fait. Mais en même temps, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est le signe qu'on a de moins en moins à solliciter les films. Et c'est ainsi qu'on a pu recevoir des soumissions de films importants. Et ça, je m'en réjouis. Oui, parce qu'en même temps, ça devient un peu, je dirais, le milieu. Donc, les gens, les artisans du milieu qui disent, OK, moi, je veux présenter mon film à ce festival-là. Cette récompense qui est donnée, cette reconnaissance, cette inclusion, ça a une valeur, au bout du compte. Oui, effectivement. Et je pense que le fait que le festival se déroule à Montréal et à Québec dans un secteur assez bon... particulier, c'est-à-dire reconnu en tant que terrain fertile pour l'animation. Donc ça, je pense que ça joue en faveur des sommets, effectivement. Et donc, les 702 films, on les visionne, on les sélectionne. Est-ce que c'est des bases de critères très, très établies ou des coups de cœur, des feelings, des... Quand on est directeur artistique, on peut pas faire une sélection en mettant des cases et des, faisant des X et en mettant 1, 2, 3, puis on fait un calcul après, puis voici ce qu'on sélectionne. C'est pas automatique comme ça. Il y a différents facteurs dont il faut tenir compte. Il faut savoir, par exemple, qu'est-ce qu'on veut présenter et représenter. Il faut penser à une variété. Il faut penser à une variété de pays. Il faut penser à une variété de styles et de technique. Il faut également que les programmes se tiennent debout. Il faut penser au public. Je pourrais vous dire, j'ai vu 10 films extraordinaires. Ils sont tous muets et en noir et blanc et dessinés à la main sur du papier. Mais je ne ferai pas un programme avec 10 films ayant le même registre, le même tonus. Alors, il y a un principe de diversité et aussi de rythme, de dynamique qui sont nécessaires pour construire un programme. Donc, c'est à partir de ces paramètres qui sont très variés qu'on établit le programme. Ce qui ne veut pas dire que si un film n'est pas retenu, ça ne veut pas dire que le film n'est pas mauvais. Ça peut dire ça, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Donc, c'est, en fait, il y a plus oui, que la pure qualité. Voilà, donc c'est sûr, on veut faire une compétition, mais en même temps, on veut que les films soient intéressants, que les programmes soient intéressants. Alors, je dirais que c'est une série de facteurs qui nous mène donc à l'établissement de cette liste de 30 films qui concourent en compétition internationale. Et après ça, en ouvrant des volets hors concours, des éléments comme ça, voilà. Ça nous permet de donner des vitrines. Ben oui, à c'est d'autres. Ça, un panorama pour la production québécoise et canadienne, parce que je pense que c'est important que ces films-là soient vus. Et la nouveauté cette année, c'est donc le panorama étudiant québécois et canadien, parce que on a reçu un nombre assez important de productions étudiantes cette année, et souvent les films étudiants ne sont pas nécessairement assez forts pour être dans une compétition étudiante internationale, mais on s'est dit, il y a des étudiants ici qui étudient dans des écoles d'animation, et nous, c'est notre public, et on veut que ces gens-là puissent avoir l'occasion de venir au sommet et de montrer leurs films. Alors, on a créé ce programme hors concours qui regroupe un nombre important de films d'animation, dont 5, je crois, ayant été réalisés ici au BAZA, à Québec. Et évidemment, à travers tout ça, on parlait de l'importance justement de la variété, d'avoir, oui, au bout du compte, dans ces programmations-là, que ce soit en compétition ou non, disons un panorama d'émotions, autant du rire aux larmes et de toutes les facettes, justement, parce que on peut avoir tendance de voir l'animation comme un bloc monolithique, mais au contraire, c'est extrêmement éclaté. Oui. À la limite, c'est un cinéma par entière. C'est un cinéma par entière, l'animation. L'animation, c'est un... permet de transmettre des idées, des émotions de façon assez différente de ce que peut faire la prise de vue réelle. Et l'animation, notamment par le raccourci, permet d'aller beaucoup plus vite et peut-être parfois de façon plus efficace que peut le faire la prise de vue réelle. Et en même temps, en animation, on peut créer une saga qui va se dérouler sur 400 ans dans laquelle il va y avoir 4000 personnes. En prise de vue réelle, on ne risquera pas de faire ça parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et il y a quelqu'un l'année dernière qui avait écrit sur ma programmation une remarque que j'avais trouvée assez gentille et intéressante. On m'avait dit que je programme comme un DJ. Peut-être à cause de l'importance que j'accorde au rythme et à la dynamique. Donc, les programmes doivent être nécessairement variés de façon à pouvoir être portés par ce rythme que j'essaie de leur donner. Il y a certains films qui sont plus rapides, des films qui sont plus lents. J'ai des films très drôles, j'ai des films expérimentaux, des films narratifs, dramatiques, etc. Mais venez voir la variété de l'animation, venez voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est intéressant quand on profite justement, exemple, dans la programmation internationale, j'ai l'impression que certains films dont on regarde les premières minutes, les premières secondes, et on sait instinctivement que c'est un film, par exemple, qui nous vient de Tchécoslovaquie ou qui nous vient d'une autre région. Mais inversement, quand on regarde le travail canadien ou québécois, j'ai pas l'impression qu'il y a cette identité forte ou une école de dominante, si on peut dire, quant à la manière de faire les choses. Vous avez tout à fait raison. Et je vais vous expliquer, il y a deux mots qui expliquent cette apparente absence de personnalité qui caractérise l'animation québécoise et canadienne. Et ces deux mots sont Norman McLaren. Norman McLaren est le père fondateur de l'animation canadienne, on le sait, et McLaren a toujours abordé l'animation de la façon suivante, c'est-à-dire chaque film doit être un défi. Chaque film doit être porté par une nouvelle forme d'expression, et pour chaque film, le réalisateur doit penser à comment il va le faire, quels outils il va utiliser pour le faire et quels outils il va développer éventuellement pour faire le film. Et ce qui caractérise donc l'animation québécoise et canadienne, c'est non seulement sa diversité, c'est ce que vous faisiez remarquer tout à l'heure, mais aussi son côté exploratoire. Mm-hmm. Chaque film ne ressemble à autre chose que lui-même, d'une certaine façon. Et effectivement, s'il y a des cinématographies nationales qui sont marquées par une esthétique dominante, bon, vous parlez de la République tchèque et l'animation de marionnettes, c'est vrai. Bon, on pourrait parler de l'animation américaine, cartoon et l'animation industrielle. Il y a une esthétique qui est assez figée, qui est très forte. Tandis qu'ici, c'est toujours cette notion d'exploration qui caractérise la diversité et la vitalité, parce que c'est ce qui fait notre... c'est ce qui nous distingue à travers le monde, la vitalité de l'animation d'ici. Et à la limite, en fait, qui est peut-être en partie dû à des institutions comme l'ONF, par exemple, aussi, absolument, qui encourage absolument. L'expérimentation. Oui, oui. Écoutez, on est... Je veux dire, les gens de l'étranger sont toujours impressionnés qu'on ait ici une société d'État qui produise des films d'animation et des documentaires. Et c'est inévitable que les installations de l'ONF permettent la réalisation et la production d'œuvres de qualité. Les réalisateurs bénéficient d'un confort et d'une certaine, donc, ils ont accès à du matériel de pointe de façon à faire des films. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas juste des films de l'ONF ici, il y a aussi plusieurs productions indépendantes. Mais il est indéniable que la tradition de l'ONF imprime encore la production actuelle. Et j'ai l'impression, en parallèle aussi, quand on observe l'animation actuellement, que tranquillement, il y a une fusion avec le réel aussi, où ça devient de plus en plus possible d'intégrer le réel dans l'animation ou l'animation dans le réel. Oui, ben c'est sûr qu'il y a évidemment des exemples très, très hybrides. Bon, je sais que tout à l'heure, vous avez mentionné le film Jutra de Marie-Josée Saint-Pierre, dans lequel la réalisatrice intègre des images en direct où on voit Claude Jutra et le personnage évolue dans un décor d'animation. Un autre film de Marie-Josée Saint-Pierre, Flocon, montre, qui est dans le programme McLaren aujourd'hui, donc qui montre Claude Jutra combattant avec des flocons, est un exemple du même type. Et le numérique nous a permis de travailler l'image comme si c'était une matière, de travailler le pixel comme si c'était une matière, et que l'image soit photographique ou dessinée, le pixel, c'est un pixel. Un pixel, c'est un pixel. C'est pour ça que les cinéastes d'animation sont devenus des créateurs redoutables, parce que tout tombe sous leurs mains, tout devient matière. Et tout peut s'animer, dans le fond. Tout peut s'animer, et inévitablement, le réel et l'animation en viennent à se confondre, et parfois, le réel n'est qu'une illusion, qu'un ersatz de réel. Et ça, moi, je trouve ça assez fascinant, même si ça pose des grandes questions éthiques, philosophiques, artistiques, etc., mais moi, je trouve ça assez excitant. Oui, ben, en fait, ça te donne l'impression aussi d'être un peu dans un moment charnière avec les technologies où, comparativement à ce qu'on est en mesure de faire, il y a même ne serait-ce que 10 ans, ben aujourd'hui, les possibilités explosent et donc l'expérimentation repart de plus belle, se poursuit avec plein de nouvelles bases, dans le fond. Oui, absolument, oui. Et au niveau de la programmation, Marco Deblois, pour le festival, j'aimerais qu'on parle un petit peu du film ouverture qui va être présenté à 19h au CLAP, Rocks in My Pocket de Sing Bowman, avec en première partie Soif de Michel Cournoyer. Oui, il s'agit de deux films réalisés par des femmes. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir donner une tribune à deux réalisatrices exceptionnelles. Michèle Cournoyer est une réalisatrice québécoise, et le film Soif renoue avec moi, selon moi, avec ce qui faisait l'excellence de son film Le Chapeau, qu'elle avait fait il y a un peu plus de 10 ans. C'est un film qui porte sur la dépendance à la bouteille et à l'alcool. C'est un flux de métamorphose saisissante, et c'est un film qui, par son rythme, par sa matière, nous amène quasiment dans une espèce d'état éthylique. Et c'est un film qui est à la fois envoûtant et qui nous amène donc dans cette dépendance un peu malsaine à l'alcool. Tandis que Signe Bowman, la réalisatrice du court-métrage Rocks in My Pockets, aborde aussi un sujet délicat, c'est celui de la transmission de la maladie mentale d'une génération à l'autre dans sa propre famille. La réalisatrice est américaine, mais elle est d'origine lettonne. Et la maladie mentale et la dépression s'est reproduit d'une génération à l'autre dans sa famille. Donc, elle raconte l'histoire de sa famille, elle raconte son histoire, mais elle le fait avec beaucoup d'humour. C'est à la fois un film intime et un film impudique. Et la réalisatrice, tout en nous parlant de sa propre condition, affirme son plaisir de vivre et son plaisir de rire et son plaisir d'aimer la vie. Et donc, nous avons deux œuvres exceptionnelles qui nous amènent donc dans des terrains assez particuliers. Et encore une fois, ça, c'est l'animation qui nous permet donc d'aborder des questions comme celle-là. Et dans le cas du film de Sidney Bauman, c'est l'humour là-dedans qui est extraordinaire avec son esthétique un peu particulière qui mime un peu, bon, des illustrations de livres pour enfants. C'est pas tout à fait ça, là. Mais, puis il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de dramatique, mais en même temps d'humain et de drôle qui émerge de ce film-là. Et en parallèle pour le film de clôture, la bûche de Noël, là, on est dans un tout autre registre, oui. Vraiment. Vous connaissez Cheval et Cowboy et hey, Cowboy! Oui, donc c'est un nouvel épisode de la série Panique au village. Alors, les célèbres personnages que l'on connaît bien, c'est une production belge. Et ce à quoi on assiste dans la bûche de Noël, ben écoutez, Noël arrive et il faut se procurer une bûche. Et comme on est à la dernière minute, ben il faut donc essayer par tous les moyens de trouver une bûche. Et au supermarché, il reste une bûche, une seule. Alors, tout le monde se dispute la bûche. Bon, évidemment, c'est une comédie complètement loufoque, mais ce qui est bien, c'est que bon, ça nous permet de terminer les sommets à Québec sur une note humoristique pour mettre les gens de bonne humeur. Et en même temps, il ne faut pas oublier, mais Noël s'en vient, c'est dans moins d'un mois. Alors, ça va nous mettre dans le bain. et parallèlement, évidemment, on le mentionnait d'entrée de jeu, 108 films cette année. Oui. Ça fait beaucoup de matériel à visionner, à découvrir. J'ai toujours envie de dire, quand on voit des programmations comme ça, qu'il faut oser, qu'il faut essayer de se lancer. En choisissant une, à la limite au hasard, si on connaît peu, mais justement, quelques clins d'œil peut-être qu'on pourrait faire à quelques films qu'on retrouve dans la programmation, sans nécessairement dire que c'est des coups de cœur, mais simplement des trucs qui viennent en tête là maintenant, tout de suite, comme on dit. Oui. J'y vais, c'est ça? Oui. Oui. Il y a un film qui est en compétition internationale au sommet, un film québécois coproduit avec la Norvège qui est dans la shortlist, c'est-à-dire qui est prix finaliste pour le prix du meilleur court-métrage d'animation aux Oscars, et je tiens à souligner sa sélection, c'est Mamoulton et moi de Toril Cove qui avait précédemment réalisé Le poète danois. C'est un film sur sa famille, sur elle quand elle était petite. C'est fait avec beaucoup d'humour, puis c'est en même temps une façon assez cocasse de regarder la société norvégienne. Moi, j'ai un coup de cœur, un immense coup de cœur, qui est le film de Jerzy Kucia, réalisateur polonais, pour lequel j'ai immensément de respect. Il a pris 13 ans pour réaliser le film qu'on a sélectionné cette année au sommet. C'est une première canadienne, Fugue for Cello, Trumpet and Landscape. C'est dans le programme numéro 3. C'est un film poétique, un film méditatif et presque spirituel sur la vie, sur le paysage, sur la quotidienneté. C'est un poème en images, c'est une musique en images absolument sublime, et je suis très, très, très content que nous puissions avoir ce film qui est pour moi une expérience non verbale. C'est un film qu'on ne peut pas expliquer ou décrire, il faut le vivre. Et donc, nous avons le film de ce grand réalisateur, et pour moi, c'est une petite fierté qu'on puisse l'avoir dans la compétition internationale. En fait, des noms qui viennent justement avaliser peut-être la qualité des autres aussi, en sachant que s'il y a lui, c'est ben. Ça, ouais. Il y a des gens aussi qui ont peut-être entendu parler de la controverse qu'il y avait eu autour, si je ne me trompe, de l'hippopotamie de Piotr Dumala. Oui, c'est une production polonaise. J'ai des collègues programmateurs de festivals ici, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils pensent du film. Écoutez, le cinéaste a transposé sur des êtres humains les mœurs sexuelles des hippopotames. Et les hippopotames, pour pouvoir accoupler les femelles, tuent les enfants. Et ça nous plonge dans une vision très, très animale et glauque et dérangeante des êtres vivants. C'est une proposition que nous défendons, c'est pour ça que nous la présentons, mais nous sommes conscients que le film divise assez vivement le public. Et justement, en fait, c'est un peu l'idée de voir les réalisateurs qui osent, qui repoussent un peu et qui utilisent le médium dans son potentiel, dans le spectre émotif dont on a parlé tout à l'heure. Ce film-là est aussi à bousculer parce que c'est de l'animation, c'était de la prise de vue réelle, on n'y croirait pas. Mais en animation, le film réussit fortement à ébranler le spectateur. Et donc tout ça, évidemment, accompagné aussi des hommages à Norman McLaren. On a parlé de son importance, évidemment, dans le développement du milieu de la réalisation au Canada. Voilà. Et l'hommage qui est rendu ici, c'est plus un hommage constructif qu'un hommage monumental. Non, c'est ça. En fait, on voulait pas présenter une grande rétrospective Norman McLaren parce que le cadre d'un festival ne s'y prête pas. Il y a trop de films de toute façon. Et on voulait faire événement. Et cette programmation est signée Marcel Jean, qui est délégué artistique du Festival international du film d'animation d'Annecy et qui est par ailleurs québécois. Et donc, il a composé ces deux programmes, non pas pour nous montrer des films de McLaren, mais pour montrer l'influence de McLaren dans la production actuelle et pour montrer comment l'esprit de McLaren est toujours vivant. Alors, ces deux programmes, donc, nous permettent de façon ludique de constater comment l'esprit de McLaren n'est pas mort. Oui, puis ça devient intéressant parce que veux pas, ça nous donne des références. Si on connaît un moindrement McLaren, ben ça nous permet de voir un peu d'un faire côté, des liens. Ou de faire les liens inverses si on le connaît moins aussi. Ben ouais, c'est ça absolument. Et d'autant plus que comme McLaren est en vedette dans l'exposition sur l'ONF au Musée de la Civilisation, c'est le 100e anniversaire de naissance de McLaren cette année. Donc il faut honorer, je crois, la mémoire de ce grand pionnier. Alors, donc évidemment, une belle programmation à découvrir. Merci. Quelques jours pour le faire, du 27 au 30 novembre. Donc, c'est quelques jours intenses. Oui. Ben Marco Deblois, donc je pense que l'invitation, elle est lancée. Je rappelle, vous êtes conservateur, programmateur cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise, directeur artistique des sommets du cinéma d'animation de Québec et Montréal. Et à l'image de votre collègue Annie Frenette, je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup, c'est gentil. Et nous, ben, on va prendre une courte pause. Je vous rappelle, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1. On est en direct du cinéma Le Clap pour une édition spéciale de La Vie en BD. On se retrouve dans deux petites minutes. CKRL. Québec. Ici Michel Nadeau, directeur artistique du Théâtre Niveau Parking. Du 18 au 29 novembre, je vous invite à la pièce Un certain nombre de Caryl Churchill, mettant en vedette Jean-Michel Derry et Jack Robitaille. Jouant sur le suspense et l'anticipation, Un certain nombre raconte l'histoire d'un père prêt à tout pour avoir une seconde chance avec son fils. Un certain nombre sera présenté au Théâtre Périscope pour 10 soirs seulement. Réservez vos billets au 418-529-2183 ou sur lepointdevente.com. Vous connaissez le journal Voir, vous nous suivez sur le web, vous profitez des avantages de la boutique Voir, attendez-vous à plus parce que Voir, c'est aussi une émission de radio. Tous les vendredis de 15h30 à 17h30, en direct de la Ninkasi et sur CKRL 89.1. Pour accompagner les récentes bordées de neige, quoi de mieux que de parler d'art textile? L'équipe de Bazar, des passionnés d'art et culture, vous font découvrir une discipline à mi-chemin entre les arts contemporains et l'objet utilitaire. Saviez-vous qu'il y avait un retour en force pour l'intérêt du fait main et des loisirs créatifs? Lisez Bazar et découvrez un monde stimulant et fertile. Disponible gratuitement chez plus de 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Du 27 au 30 novembre, vivez 4 jours de magie à Québec avec les 13e sommets du cinéma d'animation. Films d'ouverture, Soif, Rocks in My Pocket et Asphalt Watches. Rétrospective Robert Morgan, maître du cinéma d'horreur animé. Hommage à deux pionniers de l'animation japonaise, Noburo Ofuji et Kenzoa Masaoka. Plus de 100 courts-métrages en compétition en provenance des 5 continents. Passeport en vente maintenant, sommetanimation.com. Du 27 au 30 novembre, les 13e sommets du cinéma d'animation à Québec, au cinéma Le Clap et au Musée de la Civilisation. Une présentation de Télétoon, coproduction d'Antitube et de la Cinémathèque québécoise. Les 13e sommets du cinéma d'animation vous sont présentés en direct du cinéma Le Clap, en collaboration avec Antitube et CKRL. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de cette émission spéciale de la vie en BD, en direct du sommet, des sommets du cinéma d'animation de Québec au cinéma Le Clap. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 19h et vraiment, on plonge dans l'univers de l'animation. Et pour les prochaines minutes, on va plonger dans l'univers de l'animation japonaise et dans son histoire. Il faut dire qu'il y a deux hommages qui sont programmés samedi 28 novembre et dimanche 30 novembre à 15h au Musée de la Civilisation. Le 28, en fait, donc c'est le samedi, en fait, c'est Nobuo Ōfuji qui est à l'honneur et le dimanche, c'est Kenzo Masaoka qui l'est, donc les 29 et 30. Et pour nous parler un peu de ces deux figures incontournables, on est en compagnie d'Ilan Nguyen qui est un spécialiste d'animation japonaise qui est responsable de la programmation de ces deux hommages. Bonsoir. Bonsoir. Et peut-être d'emblée, quand on parle de cinéma japonais, d'animation, j'ai l'impression, en fait, je suis un peu là-dedans. On connaît ce qui se fait actuellement. On connaît la production des années 80, 90. On a grandi avec ça. Mais tout ce qui précède ça, c'est vraiment, on tombe dans la découverte. Et quand on va aux origines, on les connaît pas du tout, finalement. Oui, c'est le cas de l'animation japonaise, mais peut-être même d'autres productions, même la production américaine. Enfin, on a connaissance de ce qui nous est parvenu par le hasard des programmations de télévision ou de cinéma. Et donc, c'est souvent, bien sûr, des productions contemporaines ou vraiment d'un passé récent. Et ces productions, dans le cas du Japon, nous ont souvent beaucoup frappé par ce qu'elles avaient de spécifique, vraiment une manière particulière de dramatiser le récit, etc., d'utiliser des motifs visuels que eux ont mis au point lorsqu'ils ont développé le dessin animé en particulier de manière spécifique quand ils ont ouvert leur propre chemin. Mais évidemment, le cinéma d'animation n'est pas une invention japonaise. C'est quelque chose qui est arrivé au Japon de l'étranger, que les Japonais ont découvert et qu'ils ont apprécié, qu'ils ont essayé d'apprendre, dont ils ont essayé de s'approprier un certain nombre de codes et de motifs. Et puis, donc à partir de bases communes, à partir de la découverte d'œuvres étrangères, ils ont essayé à leur tour de produire des films. Et donc, il y a quelque chose de très qui part d'une forme de communauté avant, effectivement, ensuite que les productions nationales évoluent dans des directions différentes. Donc, ce qui importe, si on s'intéresse un tout petit peu à la production japonaise, c'est de sortir peut-être d'une vision fermée. Parce qu'évidemment, on peut être dans une logique très très fermée de dire, voilà, moi je m'intéresse à l'animation japonaise, le reste ça ne m'intéresse pas. Mais si on s'intéresse un tout petit peu à une production nationale comme celle du Japon, qui est l'une des plus importantes au monde, c'est intéressant de comprendre quelle est sa place dans la production mondiale, de saisir un tout petit peu, voilà, quelles sont les correspondances, quels sont les allers-retours. Oui, ou de comprendre comment c'est construite aussi. Parce que pas justement, on est parti d'une discipline, comme vous disiez, qui venait de l'extérieur, dont le Japon s'est approprié, a développé aussi ses propres codes. Mais de quelle manière, comment ça a progressé? Tout à fait. D'où on est parti pour en arriver là où on est? Exactement. Et donc, ce qui manque souvent, c'est un certain nombre de chaînons manquants. On a donc les chaînons qui nous sont contemporains ou immédiatement antérieurs et qui nous frappent dans leur singularité. Mais en réalité, tout ça est lié. Et donc, c'est bien de se dire qu'effectivement, de se retourner un tout petit peu sur le passé, de voir comment les choses ont évolué, comment les uns et les autres, les gens comme Miyazaki ou Takata, ont appris effectivement et ont été formés à une école qui est celle, par exemple, de Masaoka. Ça, c'est tout à fait c'est très, très clair. Oui, parce qu'en même temps, la façon dont on présente Masaoka, Kenzo, la façon dont on présente Ōfuji, Nobuo, le premier, c'est un peu le père du dessin animé japonais. Le deuxième, c'est le premier auteur d'animation japonaise. Donc, c'est vraiment des figures emblématiques, des figures, des pionniers, dans le fond, du cinéma d'animation de ce pays. Tout à fait. Et donc, ça, c'est d'autant plus intéressant de les mettre en regard avec des pionniers de l'animation internationale dont ils ont effectivement découvert les travaux, qui les ont influencés et qu'ils ont essayé donc d'assimiler et voire de dépasser dans une certaine mesure. Donc, ils ont essayé d'explorer à leur tour des directions qui leur étaient propres, mais en bénéficiant de l'expérience étrangère. Et donc, tout ça, moi, je me souviens par exemple de ce cinéaste qui s'appelle Takahata, donc le réalisateur du Tombeau des Lucioles, notamment, qui est très connu, le réalisateur de Heidi, etc., qui est donc l'un des deux grands réalisateurs au studio Ghibli avec Miyazaki. Il disait, je me souviens, je l'accompagnais une dizaine d'années à Paris. Il disait, nous, quand on a commencé dans le dessin animé, on a expérimenté plein de choses. On se disait, on invente un langage, etc. On était sûr de nous. Et on a découvert après coup les films de Masaoka et on s'est rendu compte qu'il avait déjà tout inventé avant nous. Simplement, ça s'était pas transmis de manière directe. Donc, cette filiation-là, elle est très, très claire. Oui, parce que justement, si on regarde Masaoka, par exemple, on pourrait dire que son œuvre préfigure nombre d'avancées formelles majeures, l'association musicale, les mouvements de caméra, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier là pour l'époque en plus. Là. Tout à fait. Masaoka, donc, d'abord, effectivement, s'est formé au dessin, à la peinture traditionnelle japonaise, à la peinture occidentale. Il a une formation musicale également, donc il est vraiment une formation artistique tout à fait complète. Il entre dans le domaine du cinéma au milieu des années 20, il devient assistant caméraman, il devient assistant réalisateur, acteur également. Il tourne son propre film en prise de vue réelle et donc il se lance ensuite dans le cinéma d'animation et donc dans le dessin animé sur celui de l'autre très vite. en réalité, Masaoka était ce qu'on appelle un modern boy. C'est-à-dire qu'il est il, dans ses années 20, ses années 30 au Japon, avant la guerre, il y a une sorte de fièvre moderniste. Il faut absolument, effectivement, être à la pointe de ce que les pays étrangers proposent. Que ce soit la musique de jazz, la musique classique, effectivement, donc les enregistrements sonores, les disques, le cinéma, tout ça, c'est ce qui est à la pointe, effectivement, du moment présent, de ce qui est ce que la vie peut proposer de plus neuf. Et Masaoka a exploré toutes les veines de tous ces registres de manière extrêmement déterminée. Donc, c'est ce qui l'a amené, effectivement, à jouer un rôle au Japon comparable, je pense, toute proportion gardée, évidemment, à celui qu'a eu Disney dans les années 30 pour le dessin animé américain. Et j'imagine que c'est pas étranger d'ailleurs non plus que de son studio, c'est Toei qui a racheté un peu le matériel par oui. la suite, puis qui a utilisé le travail de Masaoka pour démarrer lui son travail par la suite. Là. Tout à fait. Alors le studio de Masaoka était donc porté par cette qualité effectivement de moderne et novatrice de l'animation. Lui s'est éloigné de l'animation à un moment donné, mais son studio a continué à travailler et a été racheté quelques années plus tard par la compagnie Toei. Donc Toei c'est l'un des 5 grands studios de cinéma en prise de vue réelle au Japon, hein, très connu pour les films de Yakuza, les films d'époque, les films de sabre, qui décident au milieu des années 50 de se lancer dans le dessin animé. Donc, grande révolution. Et donc, ils rachètent le petit studio, effectivement, qu'avait fondé Masaoka, et où se trouvent un certain nombre de ses collaborateurs, hein, les disciples qu'il a formés. Et donc, c'est ce savoir-faire-là qui va se transmettre, qui va se développer, du coup, de manière très importante. Toei, c'est le premier grand studio d'animation. À partir de 56, ce sera le plus important studio d'Asie. Il y aura peut-être 500 personnes employées par le studio dans les années 60. Et donc quelque chose de tout à fait différent, une autre époque qui entrera ensuite dans l'animation télévisée, donc l'ère du gigantisme, mais sur la base effectivement de cette recherche formelle très très moderniste de Masaoka. Et en fait, j'ai lu quelques éléments autour justement de Masaoka, et on semble beaucoup pointer vers une œuvre qu'il a produite en 1943 en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, mais une œuvre qui est pas du tout militaire, qui est pas du tout en lien avec les thématiques officielles entre guillemets de l'époque, l'araignée et la tulipe. Et qui serait un peu l'un de ses chefs-d'œuvre, si on peut dire. Oui, tout à fait. Masaoka donc découvre le support du cellulo au début des années 30, donc il commence à faire des films qui sont encore assez assez malhabiles à certains égards. Mais très rapidement, effectivement, en l'espace de quelques années, il maîtrise cette technique du cellulo dans ses enjeux propres, ses enjeux formels spécifiques, et il propose quelque chose qui va complètement à l'encontre, effectivement, et complètement libre de tout le poids, toute cette chape de l'époque où c'est l'armée, c'est la marine en particulier qui, à travers notamment la loi sur le cinéma, donc à la fin des années 30, qui a unifié la production et obligé les cinéastes à travailler à des productions de propagande, Masaoka travaille de manière un petit peu quasi clandestine en fait, sans en avoir parlé à qui que ce soit. Il travaille à un film qui est une sorte de Céline Symphonie, une sorte de film donc musical, une opérette, qui est de toute beauté, vraiment, un film qui n'a rien à voir effectivement avec le contexte de l'époque, qui sort complètement, qui dépasse ça, qui a une portée, je pense, mondiale, et qu'on va découvrir cette année donc dans une version restaurée par le National Film Center, donc la cinémathèque japonaise, qui a conservé tous ces documents et qui notamment a entrepris des restaurations très ambitieuses sur les principaux films, les films les plus importants de Masaoka et de Fuji. Donc on va découvrir ces films tels qu'ils étaient à l'époque. Et alors que le poids des ans, bien sûr, a fait disparaître beaucoup de choses, et ben là, on va les redécouvrir. Elles étaient enfouies, elles vont ressurgir à notre regard. Et ce qui est intéressant quand on compare aussi les figures de Masaoka et de Fuji, c'est, je crois, on disait, bon, Masaoka, il a son petit studio, etc. Du côté de Fuji, c'est un autodidacte qui, pour une vaste majorité de sa carrière, il travaillait seul ou presque. Oui, tout à fait. Ce sont deux personnages qui sont assez complémentaires et dont les caractéristiques sont souvent opposées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont travaillé, ils se connaissaient, ils se sont rencontrés, ils s'estimaient, et ils ont travaillé ensemble. Ils ont réalisé 3 films ensemble. Il en subsiste un aujourd'hui. Et quand on voit le film, il est très frustrant parce qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre en réalité. Alors que chacun a sa personnalité très très forte. Ofuji a travaillé donc avec du papier découpé, avec des films de silhouette. Il a développé une esthétique qui est tout à fait singulière, qui va beaucoup plus loin, je trouve, que ce qui s'est fait ailleurs en silhouette animée. Il a travaillé à des films de silhouette avec du papier de cellophane coloré. Il a porté ça. Il a joué sur des enjeux dramatiques tout à fait étonnants. Il travaillait tout seul, effectivement. Masaoka travaillait en groupe. Ofuji a travaillé très vite, effectivement, avec la couleur. Masaoka a fait toute sa carrière, effectivement, dans noir et blanc. Explore des thèmes adultes. Masaoka, effectivement, est plus, effectivement, grand public. Il y a vraiment, Ofuji est né à Tokyo, Masaoka est né à Osaka. Donc, c'est tous ces contrastes, effectivement, d'opposition traditionnelle, en tout cas au Japon, qui font que, a priori, rien n'aura dû les amener à se rencontrer, à travailler ensemble. Mais, bon, voilà, ça s'est fait. Et on vous parlait, en fait, tout à l'heure, Yilian Nguyen, du, du côté silhouette, par exemple, donc oui. Papier découpé, et ce qui frappe peut-être quand on regarde ou quand on lit sur l'œuvre de Fuji, c'est sa capacité à transmettre des émotions, alors que dans certains cas, les silhouettes de ces personnages sont opaques, il n'y a pas de trait de visage. L'exemple du fil de l'araignée est assez parlant de ce côté-là. Tout à fait. L'une des caractéristiques du film de silhouette animé, où c'est un type de cinéma qui découle bien sûr du théâtre d'ombre chinoise, c'est que évidemment les silhouettes sont découpées donc dans du papier noir, elles sont opaques. En général, on est quasiment condamné à avoir des personnages qui sont uniquement de profil, parce que c'est l'angle qui permet de découpler le mieux la silhouette et de faire saisir le mieux des émotions qui restent malgré tout elles-mêmes aussi assez opaques. Et donc, Fuji a, par rapport à ça, a innové. Il a effectivement, ça lui est arrivé effectivement de creuser les yeux de ses personnages, de rajouter du blanc effectivement sur les silhouettes noires. Donc d'essayer malgré tout de donner des expressions à ces personnages. Et puis, vraiment une manière d'explorer les émotions qui sont pas celles qu'on attendrait forcément. C'est explorer un récit de vengeance, un récit horrifique, des choses qui sont très très adultes finalement. Voilà, aussi. Tout à fait. Presque, donc avec une forme d'érotisme aussi assumée dans certains des films. Le fil de l'araignée, c'est tout à fait ça. Il y a ce registre-là, donc qui par nature effectivement doit susciter l'imagination du spectateur, permet effectivement d'explorer aussi une veine de récit, donc comme celui du fil de l'araignée, qui est à dimension effectivement presque morale, avec un jeu en réalité. C'est de la littérature faussement édifiante, c'est-à-dire on joue avec ces récits qui voudraient nous apprendre une morale, et en fait c'est tout sauf ça, c'est tout le contraire. Et d'un autre côté aussi, il y a cette capacité-là à associer la musique aux images. La danse des chats noirs de 1931 est un bon exemple de ce côté-là. C'est un sens inné presque qu'il a. Tout à fait, tout à fait. Pour l'un comme pour l'autre, les premiers films de Fuji sont des films qui sont muets. Évidemment, le cinéma n'a pas encore acquis n'est pas encore entré dans l'âge du parlant. Mais au Japon, il y avait toujours des bonimenteurs, des gens qui accompagnaient les projections de films muets, qui racontaient le film, qui interprétaient le film, donc y compris les dialogues. Et donc, tous les films de Fuji comme ceux de Masaoka ont d'emblée été pensés par rapport effectivement à du texte et par rapport à la musique. Fuji va très vite explorer à son tour ce qu'on fait les frères Fleischer aux États-Unis avec la bouncing ball. C'est l'ancêtre du karaoké, vous savez, c'est avec la petite bille qui avance sur le texte sous-titré qui permet de chanter en même temps qu'on voit l'image. Donc même si le son n'y est pas, on a les paroles. Si on connaît la chanson, on peut y aller. Et donc, d'une certaine façon, en fait, on découvre ce réalisateur-là qui aussi a très peu fait, comparativement à Masaoka, très peu fait de celluloïd. Donc, il était vraiment plus un mode traditionnel. Donc, est-ce que c'est plus pour des raisons économiques ou parce que au niveau capacité, mais dans le fond, il était meilleur tout simplement avec les modes traditionnels de faire de l'époque? Alors, il y a deux aspects dans cette question-là. Moi, personnellement, si on me demande mon avis, je crois qu'effectivement, l'esthétique qu'il a mise en place dans le papier découpé et dans le film de silhouette est nettement plus concluante, nettement plus intéressante que ce qu'il a fait en cellulo. Il a produit quand même pas mal de films en cellulo. Il en a produit plus d'une dizaine. D'une certaine manière, le support du cellulo, avec la fluidité qu'il permet, ce rendu très flashérien, justement, côté Betty Boop, comme ça, ou Popeye, l'a fait repartir de zéro. Tout ce qu'il avait construit en termes esthétiques en papier découpé a été perdu. Et en un sens, moi, je dirais qu'il s'est perdu dans la forêt un petit peu des possibilités du cellulo, au lieu d'essayer de forger une esthétique qui lui soit propre. C'est ce qu'a fait Masaoka. Masaoka a mis en place un équilibre visuel qui lui était propre, là où Fuji, on voit ses premiers dessins animés sur cellulo dans les années 30, les films qu'il a fait dans les années 40 après la guerre en cellulo, voire un film en couleur qu'il a fait au milieu des années 50 en cellulo, c'est exactement la même chose. Donc ça apparaît très très archaïque, parce que des années 30 aux années 50, il n'y a aucune évolution formelle. Il fait des films dans les années 50 comme il les a fait dans les années 30, et donc ça a l'air préhistorique, quoi. Alors qu'inversement, justement, ces films plus traditionnels ou plus low-fi, si on peut dire, pour l'époque, ont presque l'air plus modernes. Bien sûr, parce qu'il maîtrisait tout. C'est lui qui découpait les silhouettes. Il n'hésitait pas à faire de l'animation de silhouettes phase par phase, pas seulement donc des figurines articulées comme le faisait Lothar Einiger, c'est-à-dire des personnages donc où toutes les articulations sont fixées une bonne fois pour toutes, mais de redécouper pour chaque image, redécouper les différentes étapes du mouvement comme on le ferait avec un dessin animé, mais avec cette maîtrise qui lui était propre. Donc là, il arrivait effectivement à quelque chose de tout à fait étonnant, de très très frappant visuellement, parce qu'il maîtrisait effectivement de A à Z l'ensemble de la technique. Et donc, d'une certaine façon, en terminant, on pourrait dire que, à travers justement les deux programmes, les deux hommages, ce qu'on va voir, c'est l'appropriation d'une approche cinématographique par une sensibilité qui met en place tranquillement les bases d'un langage, d'une approche qui est devenue très associée justement au Japon et qui est devenue un des fers de lance même de la culture japonaise à l'international. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mais au Japon même, c'est vrai que c'est justement ces liens, c'est que ces chaînons manquants ne sont pas assez encore mis en valeur par rapport à l'importance effectivement qu'on accorde aujourd'hui à cette production animée au Japon même et en particulier aussi à l'étranger. Donc il y a un travail à faire au Japon comme à l'étranger pour mieux comprendre tout simplement des enjeux qui, parce qu'aujourd'hui les films japonais nous influencent et il y a des jeunes réalisateurs qui maintenant travaillent effectivement en connaissance de ces techniques-là, de ce regard-là. Et ben c'est pas seulement leur problème à eux de connaître leur histoire, je pense qu'on a nous aussi à apprendre de ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Alors Iliane Nguyen, donc spécialiste d'animation japonaise, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle en fait les deux hommages, donc c'est ce samedi et ce dimanche. Donc samedi Noburō Ōfuji, dimanche Kenzo Masaoka, c'est à 15h dans les deux cas au musée de la civilisation. Et nous, ben, on écoute un autre petit extrait. Il y avait Marco Deblois qui en parlait tout à l'heure, Mamolton et moi, de Thurl Cove. On en écoute un bref extrait donc de ce film qui sera dans la compétition internationale numéro 3. J'ai 7 ans et j'ai deux sœurs qui ont 5 et 9 ans. Les autres enfants sur notre rue ont tous une bicyclette, alors on aimerait bien voir aussi la nôtre. Mes parents sont des architectes modernistes. Quand mes amis viennent jouer à la maison, ils disent « Tu vis ici ?» Les chaises de la cuisine ont seulement 3 pattes. Mon papa porte la moustache. C'est le seul dans toute la ville. Ça me donne des crampes à l'estomac. Quelle sorte de moustache ? Comme Salvador Dali. Vous avez l'air tout droit sorti d'une exposition au musée d'art contemporain. Mais est-ce vraiment ça qu'on veut ? Alors toujours sur les ondes du 89.1, donc petit extrait de Mamolton et moi qu'on peut voir, je le rappelle, dans la compétition internationale 3 des sommets du cinéma d'animation de Québec. Et on fait le saut maintenant vers la compétition étudiante internationale, un film de Québec qui est intégré dans le programme 1. Il s'appelle Le Carassius. C'est un film de deux étudiants au baccalauréat en arts et sciences de l'animation à l'Université Laval, Cora Naomi Grenon et Frédéric Godbout. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ben peut-être d'emblée, qu'est-ce que ça représente pour un film étudiant comme le vôtre de se retrouver en compétition internationale et surtout dans votre cas comme un premier film aussi ou presque d'animation qui se retrouve comme ça en compétition? Ben, c'est surprenant, surtout sur le coup. C'est, comme tu as dit, c'est notre premier film. C'est le premier projet qu'on a fait dans le cadre du bac. Donc, on était vraiment surpris puis un petit peu... C'est intimidant, c'est sûr, parce qu'on est propulsé dans ce milieu-là, puis on connaît rien encore. Là. Tout le monde a été bien fin que nous autres, mais ça fait gros tout d'un coup. Là. Donc ça devient une belle vitrine, une occasion de voir, de présenter ce que vous faites, d'avoir un retour là-dessus aussi. Et j'imagine que ça met de la pression pour l'éventuel deuxième. Oui, beaucoup. On sent beaucoup la pression. On veut pas s'arrêter au premier projet qu'on a fait à notre première session à l'université. Ça serait dommage. Et ce projet-là, si on le résume, c'est l'histoire d'un gars qui a le rhume, essentiellement? Essentiellement, c'est ça, oui. Puis finalement, il arrive quelque chose d'un peu spécial à la fin. C'est ça, c'est un petit peu un côté absurde aussi dans l'histoire, si on peut dire qu'il y en a une. Mais ouais, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous avez lancé sur cette piste-là? Mon Dieu. on était en brainstorm, puis je me rappelle même pas de quoi ça a starté. C'était un projet de fin de session, donc on était à peu près novembre dans ce coin-là, donc le rhume file pas bien, on se lève, c'est pas facile. Fait que j'imagine que ça a eu rapport avec ça. Pour vrai, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on s'était dit en brainstorm, pas en tout. Il y a quelqu'un qui a éternué, puis... C'est ça, c'est parti là-dessus, puis en fait, ah ben je viens de te filmer justement, on pourrait faire ça. Oui, parce que dans le fond, c'est un film qui est fait en rotoscopie. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de la technique pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit? Oui, donc la rotoscopie, dans le fond, c'est qu'on part d'une séquence en prise de vue réelle, donc filmée avec une vraie caméra, on filme un acteur, et ensuite, c'est de redessiner image par image chaque image de la séquence. Donc, nous, on l'a fait à 12 images secondes, on peut monter jusqu'à 24 dans certains cas, mais la charge de travail est un petit peu trop grosse pour le temps qu'on avait... Le passer en 24. Puis si ça donne un look, un style particulier justement pour le personnage, pour la manière dont il va se présenter à l'écran aussi. Ouais, mais c'est sûr que c'est vraiment les mouvements normaux comme quand on filme quelqu'un. Donc C'est ça, ça donne ce look-là. On s'éloigne beaucoup du cartoon, avec les gros mouvements super punchés. C'est tout est smooth, tout est relax. Donc, ça aide un petit peu dans l'optique du film en même temps. Là. Et le film, au niveau couleur, justement, vous avez été avec des tons de vert, des tons de beige, donc des trucs quand même assez, je dirais pas glauques, mais disons une couleur assez neutre, simplement avec un élément de couleur, justement, qui apparaît à la fin, qui est un peu plus coloré. Est-ce que c'était pour l'ambiance aussi, un peu? Oui, c'est ça. Ben, on est très dans le terreux pour les couleurs, puis autant pour les textures aussi des images, pour la quasi-totalité du film jusqu'à la fin, où c'est ça, on amène un élément en couleur. C'était pour vraiment mettre le contraste, puis que le côté absurde ressorte encore plus à la fin. Mm-hmm. Oui, parce qu'en fait, effectivement, comme on le disait, c'est un film à peu près quoi, d'une minute? 48 secondes. 48 secondes. Donc, dans le fond, pour faire un 48 secondes comme ça, pour se figurer, parce qu'on dit que c'est long l'animation, mais en rotoscopie, peut-être que ça accélère un peu les choses, ou ça reste quand même assez complexe à réaliser, somme toute? Oui, ça a probablement été plus vite que si on avait fait toute l'animation à la main. Ça reste quand même assez long. On a travaillé un bon 3 et 4 semaines sur le projet, même si c'est juste un petit truc de 48 secondes. Puis on aurait pu travailler le double du temps facilement pour pousser les images encore plus loin. Hein. Mais fin de session oblige, ça a été 3-4 semaines. Oui, en fait, ça montre aussi assez bien à quel point ça devient un travail d'orfèvre, peut-être, de faire un film animé. Après ça, selon les techniques, évidemment, quand on tombe dans stop motion, on n'en parle même pas. Là, y a pas de... Mais ça reste un travail assez, somme toute, complexe, justement, pour faire une bonne seconde d'animation. Oui, c'est un travail de moine, mais on aime ça. Là. C'est relaxant, puis... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de job, mais c'est le fun au final, faire play puis voir des trucs qui bougent. Et Coran Amé-Grenon, Frédéric oui. Godbout, justement, qu'est-ce que vous avez amené vers le cinéma d'animation? Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille à un moment donné et qu'on se dit, OK, moi, je vais étudier là-dedans et c'est ça que je veux faire? Vas-y, moi, c'est trop compliqué. Ben moi, ça a été assez simple. Je suis sortie du cégep puis je regardais un peu tous les programmes. Je me suis dit, hop, ça pourrait être intéressant. Tu sais, j'aimais beaucoup l'animation aussi, les films, donc... Si je vais me lancer là-dedans, puis on va essayer. Si j'aime ça, finalement, ben, ça a bien tombé. C'est un peu ça. Je sais pas. Oui, puis en plus, avec un premier film comme ça, qui, je pense, au gala, à votre gala de fin d'année, au Gala Bazar, avait eu un coup de cœur du jury. Oui. Là, en programmation, au sommet du cinéma d'animation, j'imagine que ça donne un peu la tape dans le dos de bien choisi, finalement. Oui, effectivement. Ouais, c'est le fun. Et d'ailleurs, en fait, j'ai trouvé une citation de Marco de Blois à qui on demandait, je pense que c'est dans Impact Campus, pourquoi avoir choisi d'intégrer justement Caracius. Il avait dit avoir apprécié la manière à la fois déroutante, imagée et surréaliste par laquelle vous traduisez la grippe. Oui, ben, c'était un petit peu ça l'optique. On était vraiment parti juste grippe rhume, on se réveille jam-pack, comment on peut rendre ça intéressant, puis on a développé à partir de là. Puis on a penché vers l'absurde parce qu'à chaque fois qu'on parle trop, on finit par se ramasser dans des trucs qui n'ont plus de sens. Puis on a décidé d'aller avec ça pareil. Et à travers ça, il y a simplement fait un autre groupe du baccalauréat de l'Université Laval qui est en compétition, je crois, Voyage de Charlie Debon-Ricard et Raphaël oui, Maltais. Les autres films de Québec sont plus dans le volet hors concours du prix étudiant. Est-ce qu'on sent un peu ambassadeur du programme dans une situation comme ça? Oui, puis c'est super intimidant parce qu'on, au moment où on a fait le film, on était des petits premières années, puis comme Voyage, c'est un projet de bac, il y a plein de trucs qui sont dans le panorama, qui sont des projets de bac, puis nous, on est à côté de ça, puis on a vraiment l'impression d'être comme... On est tout petit à côté ouais. de ces énormes projets-là qui sont tous vraiment fantastiques côté visuel, c'est vraiment, vraiment impressionnant, donc c'est le fun, mais c'est super intimidant. Alors, en fait, je rappelle Caracius, qui est dans la compétition internationale, donc qu'on peut découvrir donc dans la compétition ici au sommet du cinéma d'animation de Québec. Et j'imagine, de votre côté, ben, vous l'avez dit, on poursuit le baccalauréat. Donc, l'expérimentation va continuer de se développer. Et j'imagine qu'on aura l'occasion de voir, que ce soit au BAZA ou ailleurs, justement, d'autres de vos réalisations. Oui, ben, c'est l'objectif. On travaille ensemble présentement, puis on veut retravailler ensemble l'an prochain. Donc, oui. Coran Amé-Grenon, Frédéric Godbout, merci à vous deux. Merci à toi. Et je vous rappelle qu'on est toujours en direct du cinéma Le Clap, donc émission spéciale dans le cadre du sommet des sommets du cinéma d'animation de Québec. Raymond Poirier au micro, Frédéric Rondeau à la mise en onde. À venir, Robert Morgan, Theodore Hachev, Shane Heyman et Seth Scriver et Nicolas Tiss, restez avec nous. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise?

then you can start to sort of imagine the characters living within that mood. Alors, on fait un peu justement des qualités esthétiques du travail de Robert Morgan. C'est sombre, c'est irréel, c'est épeurant aussi. Et d'une certaine façon, la clé pour lui, c'est de créer justement une ambiance, une atmosphère. Et ça devient un peu le point de départ, d'ailleurs, de sa manière de travailler, de développer justement ses histoires. Et à partir de l'atmosphère, bon, on développe un peu pour justement créer l'histoire, l'inventer, l'imaginer. Et tout ça avec justement de la stop motion. Et Robert Morgan, where does this, because everything, as we said, is dark, scary, surreal, where does this affinity, this predilection for the darker side of life originates? That's really hard to answer, actually, because I don't really know, consciously, I don't really know, because it's always been there. I always loved horror movies when I was a kid. I was always interested in that stuff. I saw a movie when I was about 3 years old called Fiend Without a Face, which is a British B-movie made in the 50s. About killer brains attacking people in a farmhouse, and the brains were actually, the special effects were actually stop motion animation. So I was exposed to stop motion as a sort of horrific or a disturbing medium very early, you know, in my childhood, and I think that must have had an impact on me. And you did most of your work is stop motion, but you did also live action and you paint. So you need to have different mediums to express your artistic sensibility. Well, it's just because animation takes so long and it's very boring. So it's good to have other things to do, you know, in the meantime. So live action is, and also the advantage of doing live action as well is you can actually work with people and collaborate more, whereas animation is a much more solitary process, which is more like painting in a way. So, and then painting, I do them very quickly, because it's a kind of an antidote to animating, which takes a very, very long time. Yeah, it can go up to like one day of work for 1 second of movie. Yeah, I mean, for me, I try and work faster than that, but certainly one day could be maybe 5 seconds. And stop motion is a long process. It depends of your ambitions, I guess. So depending of what level of detail you want to go into for your characters, for the movements, for the ordeals that they go through during the movies also. Yeah, I mean, I think it requires, to me, like stop motion animation, you are bringing, you know, things that are not alive to life. And when you do that, you have to give it a certain amount of respect. You have to give the characters respect because you're giving them life. You're like a parent to them. So you have to spend the time to do it properly. You know, you can't just rush it. You can't just do it quickly, because otherwise they won't be alive in a proper way. They'll be half alive. Yeah. So you have to do it. You have to treat it with respect and bring them alive in a way that they deserve. Yeah, they won't be fluid. They won't feel alive. Yeah, they won't feel alive. You've got to do, if you're going to do it, you've got to do it properly. Ça, je demandais un peu d'où venait cette prédilection-là de Robert Morgan vers justement les choses un peu plus sombres. Il m'a parlé justement de son affinité pour le cinéma d'horreur, donc beaucoup visionné de ce type de film-là. Et dans certains de ces films-là, il y avait justement des effets spéciaux qui étaient faits en stop motion. Donc ça l'a amené à s'intéresser au potentiel de ce médium-là. Et il explore donc le médium en parallèle avec aussi donc le travail en prise de vue réelle, avec aussi la peinture. Donc question de varier, parce que justement l'animation stop motion, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et en même temps, ben justement, par respect pour les œuvres, par respect pour les personnages auxquels il choisit de donner vie, ben il faut prendre le temps justement adéquat pour leur permettre justement de s'exprimer adéquatement sur l'écran, sur la pellicule. Et donc ça nécessite justement du travail, des efforts. And this work on the characters, their expressions, their emotions. In some movie, I feel like in The Separation, there's something very human in what they go through, just besides nightmarish content. But at the core, this story, at least, is very, very deeply human, I feel. Yeah, I mean, I try and make them all human in some respect. I mean, some of them are slightly more abstract than others, but definitely, you know, bringing them to life, you can't help but give them humanity, and you can't, when you're watching those films, you can't help but project your own emotions onto them. And actually, I find that the more open the expressions are, because the expressions don't change on the puppets, they're fixed expressions, and yet viewers will project expressions onto them. They will read expressions into these blank faces, and I find that the more blank they are, the more people will project their own emotions onto the puppets. And through this puppet also, I feel that you attacks strong topics like loneliness, lack of recognition, research of compensation, loss, repair. Do these themes come while sculpting the characters? It just whenever I'm making these puppets and the characters, and whenever I bring them to life, they always seem like very pathetic people, characters. Yeah. And so I always, and so to me, it's very natural that they are not entirely happy with being alive, you know. And so that lends itself to those kinds of stories, because to me, you know, it's a bit like Frankenstein, Mary Shelley's Frankenstein. When you bring that creature to life, he's not really that satisfied with what he finds when he's brought back to life. And I like that idea. In the puppets, they're very imperfect, and they struggle with. And in a way, like, I've brought them to life, and then I sort of punished them. I put them through hell, you know. But then there's a kind of black comedy going on in there as well. I think I find it sort of very enjoyable to torture them. Yeah, I guess it works because we can project ourselves in them, but we feel enough distance not to necessarily. Be too attached to the beauty of animation, yeah. Is it creates a distance, so you can be really out there with the what happens to the characters, and it's not too personal. It doesn't feel too painful because it's abstract, because you're not dealing with, they are not people, they're like metaphors for people. Yeah, it's a horror because it is not a cartoonish horror. I use horror, but actually I'm going to do a parenthesis. It's not really, you don't do horror movies. You do horrific movies or nightmarish movies. I feel horror might be a little bit too restrictive as a definition to what you do, because with horror we think slasher movies and stuff like this, but it's not that at all. No, I enjoy horror movies, but I think the generic aspects of them sort of ruin the genre. You know, it's bigger than that, and I think it's a. To me, it encompasses anything that can, you know, anything that sort of is a bad thing that can happen, or a disturbing thing that can happen is to me, that's horror. It's you know, life can be horrifying, and that's what I sort of deal with, but hopefully in an entertaining way. Et en fait, je lui demandais, parce qu'on parle de cinéma d'horreur, en fait, mais reste que, justement, c'est peut-être plus la thématique horrifique au sens large, donc le côté cauchemardesque de la chose, donc l'horreur dans son sens réel, plutôt que dans l'esprit stéréotypé qu'on peut en avoir avec les films de slasher. Et parallèlement, je parlais aussi du côté très, très humain qu'on retrouve à l'intérieur de ces personnages, un côté, justement, qui vient à travers son travail de sculpture, donc quand il les développe, quand il les crée, et qui lui permet aussi, à travers ça, ben, d'un côté, de découvrir le fait que finalement on leur donne vie, mais ils n'ont pas nécessairement tant envie que ça d'être vivants. Ils ont un petit côté pathétique, ils ont beaucoup de pathos dans le fond à travers la sculpture et l'émotion qu'ils ont. Et en même temps, le fait qu'ils ont une émotion ou un faciès figé permet aussi au spectateur de projeter sur les personnages ses émotions, sa sensibilité. Donc ça aide peut-être un peu l'appropriation de ces réalités-là d'une certaine façon. Et pour faire tout ça, il utilise du silicone. Robert Morgan, you use silicone rubber to make your puppets, so it helps, I guess, to a semi-realistic interpretation of flesh, of skin. Yeah, it's mostly silicone rubber, but also I sometimes use mortician's wax, which is actually the wax that morticians use when they are repairing dead bodies. So it actually is designed to look like flesh, but it has a kind of deadness to it as well. And I think that's a good material to use. It's sort of, there's an uncanniness to it, you know, that works very well in stop motion, I think. And what we're going to see here at the Sommet du cinéma d'animation de Québec is a retrospective of your work. I guess these kind of events give you the opportunity to see the evolution of what you do, of the means that you use to do it, and of the experience, I guess, that comes with from movie to movie also. Yeah, I mean, it's when you see them all in one go, it's quite intense. but it's a 70 minute program, so it's like watching a sort of short feature film. Mm-hmm. It's a good overview of what I've done over the past 15 years or so, and from more abstract, almost or nightmarish stuff to absurd also with one of your longest Bobby Yeh, 23 minutes. It's you have a large spectrum of work, of type of work that you explore also. Yeah, I mean, I think I can. I'd like to diversify more. Actually, I mean, I think there's a good range of work there. There's like live action drama in there, and there's also very abstract nightmare logic animation films. There's films that mix animation and live action together. So it's a good kind of overview. There's ranges. Some of the films are very, very serious. Some of them are more funny. And I think that's something I'd kind of like to, you know, I feel like I want to sort of diversify even more, actually. I think the next thing I do might be, you know, sort of totally different. Alors, en fait, c'est vraiment une programmation variée à laquelle on va avoir droit au Musée de la Civilisation, au CLAP, pardon, le 29 novembre à 19h, ce samedi. 71 minutes qui vont nous permettre de voir un peu l'évolution et différents aspects du travail de Robert Morgan. La variété de son travail et une variété qui l'indique vouloir continuer justement à accentuer, à développer au fil des prochaines années là, à l'intérieur de son travail. Robert Morgan, thank you very much. Thank you. Et nous, on s'en va en extrait de film. On écoute deux petits extraits sonores et musicaux des films « Troisième page après le soleil » et « Gloria Victoria » de Theodore Achev. Alors voilà, donc, tel que mentionné, des petits extraits des films « Troisième page après le soleil » et « Gloria Victoria », du moins les trames audio. Pour voir les films en images, eh bien, il faudra se rendre au Musée de la Civilisation le 8 novembre à 19h pour un programme 2D et pour un programme 3D le 30 novembre à 19h au cinéma Le Clap. Également une classe de maître le 28 novembre 17h au Musée de la Civilisation. C'est des événements qui nous permettront de découvrir ou de voir sur grand écran le travail de Theodore Achev qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et on entendait des petits extraits musicaux justement. J'ai l'impression que la musique reste omniprésente à l'intérieur de vos films et parfois on a l'impression qu'au niveau narratif, vous partez presque de l'audio, de la trame pour bâtir ensuite le visuel. Comme je fais toujours, très souvent le black, mon scénario, c'est la musique. Donc, comme je crois que la musique est tellement, spécialement la musique symphonique, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien pensé, comme la construction. Et la construction d'un film, c'est la plus importante pour moi. Et c'est ça le scénario. La trame des musicales s'amène, en fait, c'est la trame narrative, très souvent. Et donc, à travers ça, évidemment, on développe aussi, et je pense dans certains, c'est très, très parlant, le potentiel de l'abstraction dans le traitement de l'image pour exploiter, pour détailler, pour faire ressentir. Oui. Moi, en fait, c'est vrai que mes images sont parfois un petit peu abstraites. Et ça, c'est conscient. Parce que pour moi, j'imagine que mon imagination va toujours plus loin que la réalité. Je veux toujours faire quelque chose. Pour moi, le but de faire l'animation, c'est d'utiliser tout ce que j'ai pu, mon savoir-faire dans les matières d'art visuel. Il m'amène toujours, même sans me rendre compte, dans un chemin plus abstrait, Je peux pas dire, je veux pas dire plus expérimental, mais plus abstrait. Donc mes films sont toujours mélangés entre la réalité parce qu'ils sont toujours basés sur les faits sociopolitiques, les faits qui existent, des nouvelles à jour, des émotions, des pensées humaines et tout ça. Mais il m'amène toujours vers l'abstraction parce que c'est ça la culture visuelle que j'aime. Et c'est, je ne sais pas même comment ça marche, mais ça m'amène toujours dans cette direction-là. Et en même temps, dans certains cas, ça peut être très parlant. En fait, je prends l'exemple de Gloria Victoria, justement, dans lequel le médium évolue au fil du film. On commence en relief, augmenté, en couleur. Oui. Au fur et à mesure que la guerre avance, on devient plus géométrique, en noir et blanc, en 2D. Oui. Donc, un peu à l'image, en fait, on utilise le visuel pour illustrer l'absence de nuance qui vient avec la longueur de temps. Avec la longueur et avec la haine. Je répète pas mal pour ce film-là, c'est un film pas seulement sur la guerre, c'est un film sur la haine. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain quand il est rendu dans une bataille. Et vous savez, quand vous êtes dans cet état d'esprit, il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de relief. Tout ce qui reste, c'est noir et blanc en 2D, tellement l'image aplatie comme dans mon film. Je voudrais vraiment utiliser et montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est dans la bataille, dans une bataille dans laquelle il est prêt de tuer sa mère, son frère et son père. Évidemment, pour quelqu'un de se rendre dans cette condition, aucun côté humain n'est resté. Il n'a aucun sens de jugement. Et c'est ça que je voulais faire avec mon film. C'était le but. C'était ça le scénario. Je sais pas, vous savez, mes films sont pas trop narratifs, mais je tiens toujours qu'il y a une certaine construction. Donc ils sont toujours à la frontière de narration et film expérimental abstrait. Mais c'est ça qui m'intéresse tellement. J'aime vraiment de mélanger des genres. Je n'aime pas quand les gens m'appellent que je suis un cinéaste expérimental, et je n'aime pas si les gens me disent que moi je fais les films narratifs d'animation. À la limite, même parfois, j'aurais presque envie de dire que vous faites des films politiques d'animation, avec justement Gloria Victoria, qui est la fin d'une trilogie sur l'art et le pouvoir. Vous êtes intéressé aussi avec Joda à un réalisateur iranien emprisonné, Jafar Panahi. C'est vrai, il y a une prise de position à travers votre cinéma. J'essaie, vous savez, moi ça m'intéresse beaucoup la politique. Si je dis intéresse, c'est pas juste, parce que en fait je suis très motivé par la politique. C'est la politique et des nouvelles des jours qui m'amènent, qui sont émouvants pour moi. Moi je peux pas rester sans sensation en regardant des nouvelles. Ça me touche tellement, ça me touche dans tel niveau, je suis comme un miroir, ça me touche dans tel niveau que je dois l'exprimer dans une certaine façon. Et la seule façon que j'ai trouvé dans laquelle je peux m'exprimer, c'est le cinéma d'animation. Donc, si vous regardez mes films, ce sont toujours des miroirs de quelque chose qui s'est passé, des nouvelles des jours. C'est des événements politiques, mais c'est comme un miroir qui, comme dans les parcs des amusements, vous savez, les miroirs qui sont débalancés, on se montre pas très bon. En fait, je montre l'humanité dans son côté expressif et j'imagine pas très agréable à regarder. Oui, en fait, à la limite, pour susciter la réflexion, je veux dire, on regarde le film, on le visionne, ça laisse une impression, ça vient chercher, ça vient, je dirais pas scandaliser, mais ça fait réagir d'une certaine façon, ça fait réfléchir. J'espère. Moi, je pense que quand je fais mes films, je ne donne jamais de réponses. J'aimerais poser des questions, mais pas donner des réponses. Je laisse les réponses pour les gens, pour les spectateurs, qui le fait analyser, même qui le fait sentir, qui le fait juger, si vous voulez. Mais moi, la réponse, je ne voudrais pas les donner comme claire et évident. Et j'ai l'impression que ça nous renvoie un peu à l'idée d'abstraction, dans la mesure où on est dans le ressenti, on est dans l'impression. Et donc, ça vous permet d'éviter de poser un constat, mais plus de nous faire vivre dans le fond, un sentiment, un regard que vous portez, donc le voir un peu à travers votre sensibilité, à travers votre perception de ça. Absolument. Et d'en avoir, d'avoir la nôtre, finalement. Oui, c'est ça mon but, tellement, de tout le film que j'essaye de faire, c'est ça mon but. J'essaye, je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est ça, j'aime poser des questions, c'est ça. Et j'ai l'impression, dans certains cas, vous en posez aussi un peu à vous-même. Je prends l'exemple des journaux de l'Ipset. J'ai tombé sur une entrevue où vous avez dit, pour moi, ça a presque été de l'art-thérapie de faire ce film-là. C'était la thérapie. Avant de faire ce film-là, je souffrais tellement de moments de dépression, de moments très durs dans ma vie. Et quand je faisais ce film-là, qui s'agit de quelqu'un qui était bipolaire, qui a souffert aussi de dépression et qui, à la fin, s'est suicidé de ça, ce film-là était tellement difficile physiquement de faire, parce qu'il avait beaucoup de dessins, le film est plus long, ça m'a pris 3 ans, c'était dessin par dessin sur papier, avec une technique qui me coûtait beaucoup... Physiquement, c'était très dur, beaucoup de dessins que j'ai faits. Et aussi émotionnellement, parce que d'habiter dans la tête de quelqu'un qui s'est suicidé pendant 4 ans, je vous jure, c'est pas fun, c'est pas drôle. C'était la plus drôle partie de ce projet-là. Mais quand j'ai fini le film, tous les sentiments de dépression que j'ai eus, c'est disparu. C'était tellement qu'une thérapie. Donc, je répète pas mal de fois, depuis là, je ne souffre pas de dépression. Toute ma vie est devenue tellement heureuse, d'un tel point que je me dis, OK, c'était mon corps qui voulait faire ce film-là, et mon esprit. C'est comme ça que ça passait. Vous savez, l'animation, c'est pas mal de thérapie pour moi. Mais aussi, je pense que l'animation, c'est pas mal une thérapie pour les gens et pour les spectateurs. Et pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, j'ai une telle expérience. Moi, je suis dans la résidence au Musée des Civilisations. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui me parlent, qui me posent des questions. Je fais du film là-bas. Aujourd'hui, ils sont passés une famille avec une femme qui souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau et du corps. La femme qui était une politologue très célèbre dans le passé, elle était en fait une VG maintenant. Elle ne réagissait pas, elle n'avait pas aucun sentiment, tout ça. Et ils sont montrés, ils sont mis devant l'écran avec des films d'animation. Ils ont été émus. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes-là? La femme a commencé à réagir. La femme était concentrée. Elle a commencé à sourire. Elle m'a regardé. Après ça, elle a regardé l'écran. Elle a regardé l'écran. C'est devenu comme une conversation entre moi et ces femmes-là. Je sais pas c'était qui l'a accompagné et m'a dit je vous remercie, j'ai jamais vu comme ça pendant 2 ans si concentré et si actif d'Hergis. Donc le cinéma d'animation, c'est pas mal thérapie aussi pour les jeunes. Et je me posais la question pourquoi ça arrive ça. Mm-hmm. Et je pensais que peut-être la façon que l'animation s'est faite, vous savez, ça fait dans l'ONF, on fait toujours une animation avec un cadrage, une image, 12 images par seconde. Et le fait qu'il reste l'image plus longtemps, peut-être ça fait réagir son cerveau, ou je ne sais pas quoi. La magie du cinéma, c'était tellement thérapeutique pour ces femmes-là. Peut-être qu'il y a quelque chose, en fait, dans le travail d'artisan aussi qui est derrière ce film-là, que j'ai l'impression, en fait, je veux dire, il y a un peu comme dans le cas de l'Ipset, il vivait dans ses films, oui, autant qu'à travers eux. C'est un peu votre cas aussi, si vous vivez dans vos films aussi. Oui. Ça devient un peu un journal intime, de vos réflexions, de pensées, de préoccupations, de... Oui, oui. D'engagement? J'imagine, je ne sais pas, je ne peux pas donner la réponse. Comme j'ai dit, je ne suis pas bon de répondre. Bon. Je suis bon de poser des questions, mais pas de répondre. Et à travers ça aussi, ce qui est intéressant, Theodore Hachev, c'est que vous laissez vos films très accessibles aussi sur Internet, vous les diffusez, il y a le support numérique qui est très présent, oui. Et même à la limite, vous ouvrez la porte dans certains cas des remixes de vos films, des trames sonores, dans le cas de Drugslush, je pense qu'il y en a 5 ou 6. Oui, j'aime ça. Je viens de voir aussi une remix de Gloria Victoria qui j'ai vue, et je me dis, OK, quelqu'un a mis le film au centre de modèle pour approbation de ONF, et quand je regardais, en fait, c'était une remix. Je m'amusais bien. Moi, j'adore la culture ouverte, vraiment le mouvement copyleft aussi, parce que quoi, c'est la culture des potluck qui on a connaissait depuis longtemps. C'est la culture dans laquelle chacune qui a quelqu'un qui peut partager avec les gens, il doit le faire. Parce que vous savez, le cinéma d'animation, il n'a pas un grand rayonnement dans la salle commerciale. Si on s'attend que notre film seront, ils vont avoir un succès commercial, non, ça va pas arriver. Donc la seule façon de se faire rayonner, de se faire montrer notre film, c'est par Internet, pas mal. Et l'Internet a donné une plateforme tellement géniale pour l'animation. Et l'animation, moi je pense qu'il a connu une croissance énorme dans les années passées qui sont venues. Et il continue. Si vous voulez, les films d'animation, ils ont des centaines de milliers de clics et de se faire regarder. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai envie, en terminant, de vous lancer une citation que vous avez dit dans une entrevue. Vous avez dit, l'animation a cessé d'être du cinéma, c'est devenu un art seul, dynamique, en développement et en constant mouvement. Oui, c'est ça que je pense. Et je crois à ça. Tellement, même si je dois aller plus loin, moi, je pense que l'art d'animation est l'art du 21e siècle. Vous savez, chaque siècle, il a son art, comme était le cinéma du 20e siècle, le théâtre du 19e, l'opéra du 18e. Moi, je pense que l'animation va être l'art de notre siècle, parce que, et quand je parle de ça, c'est pas seulement, les films courts d'animation et les films longs d'animation, mais aussi, si vous voulez, sur les applications, sur les jeux vidéo. L'animation est omniprésente partout. Si vous pensez seulement dans un jeu, et si vous comptez combien de fois vous avez vu quelque chose dans lequel il y a une animation, vous allez voir, c'est presque chaque heure, vous allez voir une animation. Alors en fait, pour poursuivre la discussion et pour découvrir, approfondir votre travail, évidemment, je le rappelle, trois rendez-vous. Donc, classe de maître le 28 novembre, 17h, au Musée de la Civilisation. Programme 2D le soir même, donc le même soir à 19h. Et enfin, le programme 3D le 30 novembre à 19h au cinéma Le Clap. Tous les détails, évidemment, sur sommetanimation.com. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, et Théodore Achève, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Et nous, on prend une courte pause. On se retrouve dans 2 minutes. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Rowe et Daniel Tulp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 23 novembre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Du 27 au 30 novembre, vivez 4 jours de magie à Québec avec les 13e sommets du cinéma d'animation. Films d'ouverture, Soif, Rocks in My Pocket et Asphalt Watches. Rétrospective Robert Morgan, maître du cinéma d'horreur animé. Hommage à deux pionniers de l'animation japonaise, Noburo Ofuji et Kenzawa Masaoka. Plus de 100 courts-métrages en compétition en provenance des 5 continents. Passeport en vente maintenant, sommetanimation.com. du 27 au 30 novembre, les 13e sommets du cinéma d'animation à Québec, au cinéma Le Clap et au Musée de la Civilisation. Une présentation de Télétoon, coproduction d'Antitube et de la Cinémathèque québécoise. Les 13e sommets du cinéma d'animation vous sont présentés en direct du cinéma Le Clap, en collaboration avec Antitube et CKRL. Alors, vous êtes toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier, toujours avec vous. Encore une belle demi-heure à passer ensemble. On va porter un regard sur un film canadien pour les prochaines minutes. Un film qui a d'ailleurs gagné le Best Canadian First Feature Film au Festival international du film de Toronto. Ce film qui va être présenté ce soir à 21h au cinéma Le Clap. Il s'appelle Assault Watches. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie des deux réalisateurs, Shane Eman et Seth Shriver. Bonjour à vous deux. Bonjour. So it's a movie, Assault Watches, based on true events experienced during a hitchhiking trip in the year 2000. So can you develop a bit the context of the experience at the base of the movie? Yeah. Well, it was a trip that Shane and I did back in 2000, where we started in Vancouver, and we're actually trying to train hop to Toronto. Yep. And then it kind of goes awry, and we end up hitchhiking most of the way. Yeah, I guess we, just to expand on the train hopping idea, we kind of started trying to train hop from crew change spot to crew change spot, because that's where the trains would stop. We would try to get to it. For example, we heard there was a spot in Chilliwack, and of course, it had burned down, so we hitchhiked to another place. They said they moved it to Agassiz, so we went there. But eventually, it was like Seth said, we failed, and then we ended up hitchhiking. And during the trip, you did some kind of storyboard as a way of take notes about what you lived, what you experienced. Yeah, it's something that we would be doing anyways. We actually had a plan of making a zine of the trip about maybe halfway through. We started thinking wow, this has been a crazy trip. We should make a little booklet or something to tell these stories. Yeah, we should still do that, actually. We should make we should throw that in with the DVD. Yeah. And it actually became a film project only a few years later. Yep. So trip happened in 2006, and then we ended up... No, 2000. Oh, I'm sorry. Trip happened in 2000, and then we ended up starting to animate it in 2006. And we went more insane animating it than we did on the actual trip. Mm-hmm. Yeah, the trip was 8 days, and the movie took 7 years, or almost 8 to make. Yeah, it's a one year per day, almost. Yes. Yeah. Donc, enfin, on parlait du fait que le film a été inspiré d'une expérience qu'ils ont vécue, un voyage sur le pouce à travers le Canada, de Vancouver à Toronto. Donc, un voyage de 8 jours, et le film, lui a pris 7 ans à faire, mais il n'est pas venu immédiatement après le voyage a été terminé. Ça a pris quelques années, ça a eu le temps de maturer. Et donc, vraiment, c'est un peu dans l'objectif de faire un fanzine initialement, qu'il prenait des notes, mais finalement, ces notes-là sont devenues un peu la base du scénario du film qui s'est bâti par la suite. And this movie, I think the best word to describe it is a bit, it's weird, it's absurd, it's peculiar. Well, I mean, it all depends on your perspective. Metaphors and poetry are, there's definitely some goofballs in there. Yeah, it is it's a true story too, right? I read a sweet quote the other day by David Lynch that said, people always always question absurdity and weirdness in artwork, but never question it in reality. Like life is quite unexplained and insane. And life can be actually real life can be weirder than the weird thing that we can think. That's usually the case. Yeah, and I mean, if you're trying, it's kind of like it's not weird. If it's the world that you see when your eyes are closed, I feel it has, it's not weird. It's just not what you see. It is what is. Shane Eman says, Kriver, to give an example of a moment in Asphalt Watches, I think the most emblematic one, in my mind at least, is the one about Santa. The Santa ride. Can you talk a bit about it so that the listeners will know a bit the atmosphere of Asphalt Watches? Talk about that ride specifically? Yeah, or other example, but I like this one. So. Yeah. What's in okay. Au français is Pierre Noël. Is that or yeah. What's Père Noël? Oui. Auto stop. No. Auto stop. Hitchhike. Hitchhiking is auto stop way. Oh, nice. Yes. Okay. So yeah, we were hitchhiking. We were in Canmore, which is kind of near Banff, like between Calgary and Banff. And a guy pulled over, and he's like, "Well, he blazed by us up an on ramp, and then reversed down the whole on ramp and stopped at us. Like it was like a really crazy introduction." Yeah, and he was like very quiet for a long time, and man, like just like in the animation, like his car was full of like computer keyboards and Wendy's cups and garbage, lots of tea bags, and but he was a very intense dude that had just like done something before picking us up, and we think that he picked us up so that he wasn't just one guy in a car, because they might have been just looking for like one guy, not like a car filled with people. He was sort of as a foil, so that police would say like, okay, we're looking for a single guy driving a brown Buick or whatever. It would be like, oh, we're gonna drive past this one. There's three guys in there. Yeah, kind of a foil. It's funny. Yeah, it's like he was kind of like our savior, and then also like our kind of worst nightmare at the same time. Like he was threatening, but also like talking about taking us under his wing. But also, you know, in the same kind of. Sentence, he would say that he would like, you know, shoot us if we like messed up, kind of things. Yeah. So it was really intense. Yeah. Donc on décrit enfin un voyage, enfin un trajet qu'ils ont fait avec, enfin qu'on appelle le Santa Ride, un peu avec un personnage assez intense, particulier, qui les a pris dans l'auto, peut-être justement parce que il venait de lui de faire quelque chose et voulait avoir, disons, une excuse pour ne plus nécessairement ressembler au signalement. Et vraiment, ça a donné un trajet assez surréaliste au bout du compte. En fait, je pense qu'il faut voir le film pour bien le saisir, évidemment. Mais c'est rempli donc d'épisodes comme ça, un côté road trip justement. Dans le film, it's a road trip actually, Asphalt Watches, and with the process of filmmaking, we can say almost that the characters and your characters also went down to more their most symbolic aspect. That's definitely I'd say a goal. Yeah, we were maybe aiming for that a bit. Yeah, in essence, that's a nice thing to say. Thanks. And everything in that movie is made with flash animation. You went lo-fi with the... We just went for like what was available and what was easy to like, you know, function on a really cheap, crappy computer. Because there's only two of us, basically. And what's interesting, you said earlier that it took about 7 years to make the movie. So I guess during those 7 years, technology evolved. Yeah. And you're... Your work, your capacity of work evolved also. Oh, man, yeah. Well, that's a cool thing to say, because we actually worked on the film chronologically. We started in the beginning and then, you know, whatever, finished in the end. So you can actually see our progress and technology's progress over those years. And we would take, like, years off and then work on it again. We only actually probably worked for about 2.5 years grand total over those 7 years. But that's cool, yeah, because it was... It was amazing for us too, because we could do so much more with the computers that we had by the end than the computers we had in the beginning, and our own skills were actually better. And the work to organize between you two, is it was it really planned, or it's mostly instinctive? You go with the flow in some way? Yeah, I think totally. Just we would start sketching out the scenes, talk about them, and then just pass them back and forth, like probably between 5 and 10 times, I guess, roughly. And we kind of got more into working on the same scenes as the movie progressed as well. And I've seen some comparisons. Some people said it's somewhat like South Park and Acid. It's a stoner movie. Some said it's a surreal tale. How would you describe Asphalt Watches? Well, when people mention South Park, I like to say we're more like Terrence and Philip, even though I don't really agree with that, but I think it's funny thing to say. I don't know. I kind of describe it more of like if we made a zine and then turned it into a movie. It's more like... Yeah. I think it's just something that happens, like when you try to translate an idea or a memory into something like a cartoon. You know, it's inevitable that it's not a photograph. So it's like, and the more depth you have to it, if you're a spiritual person and you want to keep your metaphors open and functioning on different levels, then it's going to probably come across as psychedelic, and that's okay. On disait justement que à travers le travail de réalisation qu'ils ont fait, ben c'est devenu, en fait, les souvenirs sont devenus ramenés à leur niveau symbolique, peut-être d'une certaine façon, qu'à travers ça, ben on a développé quelque chose d'un peu surréel, un peu comme si dans le fond ils avaient mis un fanzine en film au bout du compte. Et cette réalisation-là s'est faite de manière chronologique. Donc, sur les 7 ans de travail, ça représente à peu près 2 ans et demi de réalisation à proprement parler sur le film. Et au fil de ces 2 ans et demi-là, ben, on voit, donc, puisque ça a été travaillé de manière chronologique, l'évolution de la technologie, l'évolution aussi de leur maîtrise du médium. Donc, ça donne aussi un aspect homemade qui est pas inintéressant, évidemment. Et... En terminant, in conclusion, as I said in the beginning, you received Best Canadian First Feature Film at the Toronto International Film Festival. So what was the impact for you and for Asphalt Watches for this big recognition? Oh, man. Well, it was like major, major icing on the cake, because working on it for so many years, it was kind of just finishing it was this like massive accomplishment for us. And then getting it into TIFF was like, oh, shit, awesome, like... Finally, and then we're gonna show it in we didn't actually even know what it was really, but we knew that it was a respectable festival, and anyways it allowed us to winning that allowed us to show in all these other festivals that heard about it that way, so it kind of blew us up. Et donc, en fait, le public de Québec va pouvoir découvrir justement ce film, je le rappelle, ce soir, jeudi 27 novembre à 21h, ici au cinéma Le Clap. Ça s'appelle Asphalt Watches. Ses co-réalisateurs, Shane Eman et Seth Scriver. Thanks to you both. Thank you. Yeah, thank you. Good, nice question. Merci beaucoup. Et on va écouter justement un petit extrait audio, évidemment, du film. Alors, un extrait donc de Asphalt Watches. Did you notice that van parked over there? I did. One looks like a nebbish in a sportsman's cap. The other looks like a little white ghost. Yeah, but do they look like killers? Oh, baby, I can take care of them. They're staring at us. They're staring at us? Yeah, they're staring at us. Oh, let's pick them up. We could tell by your eyes that you are good boys. Here. Thank you kindly. Thank you, ma'am. Alors, ben, vous êtes toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Dernière ligne droite de cette émission. Et évidemment, le milieu de l'animation, c'est un milieu qui est actif, qui vit, qui est dynamique et qui est animé par plusieurs observateurs. On a le plaisir d'en avoir un avec nous ce soir pour terminer cette émission. Il est critique spécialisé en cinéma d'animation pour, entre autres, Écran large et 24 images. Nicolas Tisse, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, vous avez été à Annecy, vous avez été à Clermont-Ferrand, à d'autres d'autres événements cinéma d'animation et dans d'autres milieux aussi où se fait du cinéma d'animation. Alors, comment on positionne un peu, comment on place d'un côté la dynamique du milieu de Québec-Montréal et de l'autre côté un événement comme les sommets du cinéma d'animation de Québec et Montréal dans cet écosystème-là? Grande question, évidemment, là. Alors, l'animation par rapport à Québec et Montréal est forcément extrêmement importante grâce à l'ONF, notamment par rapport à l'ONF. L'ONF est aujourd'hui toujours réputée, notamment en France et à l'étranger aussi, comme étant l'un des hauts lieux du cinéma d'animation de manière générale. Et donc finalement, avoir un festival à Montréal et à Québec, ça semblait tout à fait logique, et c'est quand même vraiment une très bonne initiative qu'avait pris la Cinémathèque québécoise de mettre en place les sommets de l'animation. Et quand on voit la manière dont ça se développe aujourd'hui, ça montre que c'est quand même un festival de premier plan, en plus de celui qu'il y a à Ottawa au mois de septembre. Oui, parce que justement, en fait, si on n'est pas des fois dans le milieu, si on est simplement observateur, on ne se souvient pas à quel point le milieu du cinéma d'animation est quelque chose qui de large, qui se fait vraiment partout. Ouais. Et on ne soupçonne pas non plus l'importance d'un événement comme Annecy, par exemple, qui est la mecque de ce milieu-là. Oui, c'est vrai que le cinéma d'animation, c'est un milieu qui est un petit peu communautaire, en gros. C'est une communauté qui est très ouverte, parce que dans un sens, elle accueille vraiment tout le monde. Mais ça reste quand même un milieu assez clos et avec des... Peut-être qu'il faudrait que les gens aillent de plus en plus justement dans ce genre de festival, notamment ici à Québec, à Montréal, en plus de celui qu'il y a à Ottawa au mois de septembre. Ça permet justement de voir toutes les facettes, les diverses facettes du cinéma d'animation, tout ce qui peut se faire au niveau du court-métrage, parce que c'est le milieu aussi du court-métrage qui est extrêmement important pour l'animation, et de voir un petit peu vraiment toutes les productions les plus originales qui viennent de tous les pays du monde entier. Et c'est ce qui est un peu triste, justement, quand on prend le cinéma d'animation, c'est comme la majeure partie de sa production, c'est du court-métrage, et on se retrouve dans une économie cinématographique où il n'y a pas de place pour le court-métrage dans les cinémas, ou si peu, finalement, donc c'est dommage, parce qu'on échappe plein de... Oui, c'est vrai que c'est tout à fait dommage, ce qui pourrait être très intéressant, mais je ne sais pas si ça pourra se faire, c'est de remettre, par exemple, un court-métrage avant chaque long-métrage dans les salles, ça serait vraiment l'idéal. Malheureusement, c'est pas trop possible, mais il reste justement les festivals pour montrer les courts-métrages. Et aussi quelque chose de nouveau, qui a quand même au moins qui commence à revenir depuis une dizaine d'années, c'est Internet. Maintenant, on arrive à avoir de plus en plus de courts-métrages et à avoir un accès beaucoup plus important aux courts-métrages grâce à Internet, à des plateformes comme YouTube, comme Vimeo, sur lesquelles les réalisateurs eux-mêmes ont des chaînes et montrent leurs films, voire des making-of de leurs films ou autre chose, ce qui fait qu'on peut plus facilement maintenant s'intéresser, j'ai l'impression, au cinéma d'animation qu'avant, puisque avant on avait accès qu'aux longs-métrages, et longs-métrages, il y en avait assez peu. Maintenant, ça se développe, mais avant, il y en avait encore assez peu, et c'était toujours un peu la même chose. Maintenant, on a vraiment toute la diversité dans des festivals comme ici, en premier plan, et ensuite, deux ou trois ans après, ou voire un an après parfois, sur YouTube, Vimeo ou sur Internet, où on peut voir ces courts-métrages qui sont diffusés librement par les auteurs. Oui, et ce qui est intéressant, même à la limite, c'est que la structure même du court-métrage, on dirait qu'elle est pensée, ou qu'Internet a été pensé pour servir le court-métrage, parce que c'est rare qu'on va visionner un film de deux heures sur YouTube, sur Vimeo, mais un film d'une minute, de cinq minutes, ben là, ça rentre dans les paramètres d'attention, entre guillemets, qu'on accorde à ce type de... C'est vrai. Alors, il y a aussi toujours, il y a ce côté-là qui est vraiment très, très important et très intéressant et qui est vraiment un côté positif, mais il y a aussi un côté un peu négatif, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des festivals, c'est que ces films ont été faits pour être montrés sur grand écran. Et comme il faut un grand écran et qu'il y a trop peu justement de salles qui proposent des séances de court-métrage, c'est toujours intéressant d'avoir un festival comme les sommets de l'animation, justement pour pouvoir voir ces films de manière complètement différente, parce que ça propose un regard qui est complètement neuf et complètement différent de voir ces films courts sur grand écran par rapport à YouTube. Disons que YouTube, c'est très bien quand on n'a pas accès à un festival comme ici, quand on habite dans une trop petite ville, trop loin, etc. Mais dès qu'il y a un festival dans une ville, l'idée, c'est vraiment de se précipiter dans les salles pour pouvoir les découvrir dans leur format normaux, entre guillemets. Et c'est la même chose dans votre travail aussi, évidemment. Vous êtes critique spécialisée en cinéma d'animation, entre autres domaines, évidemment, parce que vous êtes aussi du côté scientifique et d'autres milieux. Mais vous venez chercher aussi, justement, cette expérience de visionnement intégral-là, plutôt que le DVD qu'on peut obtenir des fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès que je peux pas voir, dès que j'ai envie de voir un film et que je peux pas le voir, je vais soit voir vers le DVD quand il existe ou soit sur internet quand je peux pas faire autrement. Mais en priorité, je vais dans les festivals. C'est aussi pour ça que je vais dans des festivals comme Annecy ou comme Clermont-Ferrand, même si Clermont-Ferrand c'est pas que de l'animation, c'est vraiment le court-métrage dans de manière générale et de manière globale, mais c'est aussi justement une manière de pouvoir découvrir toutes les nouveautés, voire même des films plus anciens, puisque il y a régulièrement des festivals comme Annecy où il y a des rétrospectives de films plus anciens, de pouvoir les découvrir ou les voir ou les revoir sur grand écran. Et je peux même dire de les découvrir, parce que parfois on a l'impression de connaître un film quand on le regarde sur internet, mais en le voyant sur grand écran, on a l'impression de voir quelque chose de totalement différent, quelque chose de totalement nouveau, qu'on se dit qu'on le voit finalement pour la première fois en le voyant sur grand écran. Et en même temps, on en parlait avec quelques-uns des intervenants au fil de l'émission, l'idée que justement les technologies évoluent à vitesse grand V, et donc constamment, quand on parle d'un médium comme l'animation, qui en partie du moins va s'attacher aux technologies, bien, qu'on est constamment dans un terrain de jeu qui s'élargit, qui s'agrandit, qui est en pleine explosion. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent, que vous voyez dans votre travail, justement, où on a l'impression qu'on est à une période charnière, une période d'ébullition, où il y a des tendances stimulantes qui sont en train de se dessiner, qui sont en train de se créer présentement? Ah oui, forcément, il y a des nouvelles tendances, enfin, on va dire nouvelles, même si elles sont quand même... Elle commence à devenir un peu ancienne, c'est toutes les technologies informatiques. Mais l'animation informatique qui était déjà là dans les années 70, disons qu'elle a tendance à se développer de plus en plus et à prendre le pas parfois sur un cinéma plus traditionnel qui est fait en dehors de l'ordinateur. Malgré tout, les nouveaux logiciels aujourd'hui, les nouvelles possibilités offertes par justement... des logiciels de montage numérique qui sont de plus en plus performants, par des logiciels de création numérique qui sont de plus en plus performants, par les nouvelles tablettes graphiques qui sont de plus en plus performantes, amènent aussi un nouveau type de film, un nouveau type de cinéma, et qui est un peu comme tout le reste du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours des côtés très positifs et d'autres côtés qui sont complètement négatifs, mais qui sont toujours en train d'expérimenter, d'être améliorés, et voilà. Mais par contre, ça n'enlève pas non plus, et c'est ça qui est intéressant, ça n'enlève pas non plus, notamment dans le domaine du court-métrage, dans le long c'est un peu différent, le fait qu'il y ait toujours des réalisateurs qui restent sur les techniques dites traditionnelles, et donc qui continuent à faire de la stop-motion, du cinéma justement de marionnettes, ou alors du dessin même animé, qui n'utilisent pas non plus l'ordinateur. Et je pense que cette tendance-là risque de perdurer, parce que finalement, l'animation a toujours vécu sur des techniques complètement diverses et variées, sur un ensemble de techniques. C'était le cas avant, où en fait toutes les techniques se mélangeaient, cohabitaient un petit peu dans le cinéma d'animation. On avait des réalisateurs qui faisaient une technique, une autre, encore une autre, etc. Aujourd'hui, c'est un peu la même, sauf qu'il y a l'ordinateur et les technologies numériques et informatiques qui se greffent dessus. Et je pense pas que l'animation traditionnelle va disparaître au profit de l'informatique. Je pense que toutes peuvent coexister et cohabiter. Oui, en fait, parce que de toute façon, c'est pas la même émotion. Voilà. En fait, pour l'instant, du moins, l'ordinateur n'est pas rendu aux capacités de texture qu'on a avec l'animation réelle ou avec du bricolage, des trucs papier et autres. Et même encore, ça dépend aussi vraiment du rendu et de l'intention de l'animateur, du cinéaste. C'est-à-dire que le cinéaste pourra préférer, pour certains films ou certaines histoires ou par rapport à certaines expérimentations qu'il a envie de faire, utiliser plutôt des technologies numériques, alors que certains autres préféreront certainement juste s'atteler au papier, au crayon, voire à la pâte à modeler ou essayer de la manipuler. Tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser non plus l'ordinateur, ni besoin par rapport à tel ou tel type d'histoire qu'il a envie de mettre en scène. Et Nicolas Tiss, du côté des sommets du cinéma d'animation de Québec, comme critique, comme observateur, comme amateur et passionné de ce mode-là, est-ce qu'il y a des moments que vous attendez particulièrement, des films que vous attendez particulièrement Oui, alors notamment celui de ce soir, Rocks in My Pocket de Sidney Bowman. C'est un film, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu, qui sont sur les réseaux sociaux comme Facebook, c'est un film qui est assez attendu parce qu'en fait la réalisatrice a mis pas mal d'images, d'extraits, elle a régulièrement parlé de son film, et depuis maintenant plus d'un an, voire deux ans, je pense, on en parle régulièrement, ce qui fait que maintenant qu'il arrive en salle, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir, et c'est un film qui a déjà été diffusé dans plusieurs festivals, mais qui n'était pas, par exemple, à Annecy cette année, parce qu'il est sorti juste un petit peu après. Sa première a été au festival de Karlovy Vary début juillet en République tchèque. Il est passé dans quelques autres festivals, il a déjà gagné des prix, il a une réputation qui commence vraiment à se faire, et il est déjà très très attendu ici. je crois que c'est la première apparition dans un festival, dans un, on va dire, un festival francophone. Alors donc, vraiment la première de ce soir. Voilà. On va vous laisser vous y rendre justement. Merci. Parce que c'est ma foi, c'est dans 3 minutes à peu près. Nicolas Thiss, je le rappelle, donc vous êtes critique spécialisé en cinéma d'animation pour Écran Large et 24 images. Merci. Merci. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission. Donc, c'est l'émission spéciale en direct du cinéma Le Clap à l'occasion des sommets du cinéma d'animation de Québec et de Montréal par extension. Alors, je vous rappelle que les sommets durent jusqu'au 30 novembre, que vous avez une programmation de plus de 108 films. Alors, allez faire un tour au www.sommetanimation.com pour avoir un peu plus d'informations. Alors, ben, je remercie à la mise en onde Frédéric Rondeau, au relais en studio François Grégoire et Benoît Arcan. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir et je vous donne rendez-vous demain à 17h30 pour une émission régulière de La Vie en BD. La planète Terre, les enfants. Les 13e sommets du cinéma d'animation vous ont été présentés par le cinéma Le Clap, Antitube et CKRL. Bon cinéma.